Ah bah si, c'est quand même, pars sur l'idée. Ah, tu m'as envoyé un message, moi, ou... Ah non, oui, non, non, je sais de quoi on va parler, mais j'ai pas de, de départ. Donc, bah, trinquons, on va commencer par ça. Hein, c'est bah, la base. Voilà. Santé. Santé. Donc, ça enregistre déjà depuis 14 secondes. Road to Hellfest. Donc, voici le premier numéro de Road to Hellfest. Notez le travail de l'accent. Qui sera un... D'accord, ça commence. Qui sera un podcast entièrement dédié au festival du Hellfest et de la musique dans son ensemble. Peut-être qu'à un moment donné, on va manquer de sujets sur le festival et qu'on sera obligé de ramener des choses d'ailleurs. Bien sûr. Donc autour de moi, il y a tout d'abord Joe. Ça va, Joe ? Bonsoir, ça va très bien. C'est déjà une bonne chose. Ah, tu te souviens plus. Merci, Bob. Merci, Bob. Je me souviens. Très bien, Bob. Merci, ça fait plaisir. Et ça va ? Bonsoir. Mais bien sûr, très, bah, bien, très, très bien. J'ai raté le jour du repassage, mais sinon, ça va. Ah, c'était aujourd'hui le ouais, jour du repassage. Soir, ouais. Ah, et c'est ton tour ? Ça se passe comment ? Il y a un système ? Non, le mercredi, c'est Grey's Anatomy et repassage. Et du coup, je regarde pas Grey's Anatomy. Pourtant, il me semble être passé hier et il y avait déjà du repassage. Oui, mais on est nombreux. Très très bien. C'est pas... Et donc votre serviteur, un petit peu le maître de cérémonie, le MC, je me présente, je m'appelle Jack et ça va très bien. Je suis très content d'être avec vous deux ce soir parce que ça fait à peu près deux ans hein, qu'on essaye de faire ça. Ouais. Donc jamais deux sans, sans Joe. Voilà, bah, jamais deux sans Joe. Et puis nous sommes trois. Voilà. Donc la particularité étant que chacun nous avons une expérience totalement différente du festival. À savoir que pour Bob, j'ai un peu de mal, ça fait de nombreuses années que tu fais le festival et donc tu étais même là au tout début, c'est-à-dire le Fury Fest. Voilà. Et que pour Joe, ça va être sa première participation cette année. C'est vrai ? Total néophyte. Ouais. Oh, néophyte, on est ouais. Bien. Et quant à moi, ça va être ma troisième participation. Voilà, voilà, c'était plus tard dedans. Donc on va tout de suite commencer par un sujet totalement d'actu. À savoir l'affiche du Hellfest qu'on connaît déjà depuis à peu près 4-5 mois. Donc, selon vous, c'est une bonne affiche, c'est une affiche classique du Hellfest. Vous êtes content, vous êtes déçu. Je vais d'abord demander à notre néophyte, parce que c'est normal qu'il se prononce en premier. Comment as-tu trouvé cette affiche ? Pas mal. C'est des grosses têtes que j'aime bien et j'aurais préféré en avoir d'autres, mais qui sont déjà passées. Oui, c'est vrai que ça tourne beaucoup Hellfest. Hein. Et d'ailleurs, il y avait une question dans le jeu Hellfest qui était combien de fois... Est-ce que la plupart des groupes sont venus une fois ou plusieurs ? Et en fait, ils sont venus une fois. Voilà. C'est ça. Exactement. Le nombre exact étant... Bien sûr. Voilà. Tout c'est à ce fait. Que je reverrai ça. Car... D'ailleurs, je me permets de déjà, j'allais dire, diverger, mais c'est un petit peu... Tout à fait. D'ailleurs, pourquoi tu as voulu venir au Hellfest ? Parce que de base, tu n'es pas vraiment un gros fan de métal, t'aimes bien la musique dans sa globalité, t'aimes plus le rock, mais t'es pas forcément un gros fan de métal. Non, je m'ouvre de plus en plus à la musique depuis que je pratique la musique. D'accord. Et là, ça va être une grosse expérience pour moi que de découvrir ça en bonne compagnie. Voilà. Yeah. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a donné envie d'aller à ce festival ? Parce qu'il y a d'autres festivals de métal, dont des trucs beaucoup plus extrêmes, par exemple. Bah, suffit d'en parler autour de soi avec les gens qui connaissent un peu le Hellfest et ça donne vraiment envie quant à l'ambiance qu'on nous donne de ce festival. Quoi. C'est vrai. Qu'il y a beaucoup de choses à côté qui donnent envie de découvrir ça. Quoi. C'est vrai. Et on peut le dire aujourd'hui, je pense que le Hellfest est le plus beau des festivals, en tout cas en termes de mise en scène, voilà, bien complet. De décor et de... Chaque année. Voilà. C'est vraiment bien top à ce niveau-là. Et du coup, toi qui étais là au tout début, comment tu la trouves l'évolution ? Parce que ça va faire 12 ans ? Plus que ça en fait. Donc beaucoup plus que ça. Ouais. Donc, si on compare forcément au Fury, c'est clair que l'évolution est déjà énorme. Mmh. À savoir que le Fury, déjà, ça se passait au niveau des pistes de 24 heures. Ouais, d'accord, ça se passe tout à fait au même endroit. Voilà. Et c'était la plupart couvert, si je me rappelle bien. Donc ça se passait en salle. Un site beaucoup plus petit, on était, je crois, 60 000 ou 80 000, je sais plus. Ridicule. Voilà. Un festival de province. Même pas 50 000, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment dérisoire. Et quand on voit que maintenant on approche les 160 000. C'est vrai. De par le monde. De par le monde, ça c'est ça. Parce que effectivement, j'ai discuté avec des gens qui venaient d'un peu partout. C'est vrai. Hallucinant. L'année dernière, on a discuté avec un Suédois. Oui, t'es Suédois, je crois. C'est possible, ouais. Ah. Oui, c'est ça, le jeune, oui, ouais, exact. Et le mec était super cool, tout seul et fortement alcoolisé. Et accessoirement, il voulait se battre avec tout le monde. Il était vraiment en mode. Il voulait nous protéger. Il dit t'inquiète pas, si on t'embête, je suis petit mais costaud. Non, mais ça va aller, merci. Avec un accent très. Suédois. Oui, voilà, très très bien. Voilà, ça donne vraiment envie. C'est pour ça qu'il faut aller là-bas. Après, moi je sais que la première année où j'ai participé, Bob m'a dit une chose qui est très importante. Le Hellfest, soit tu l'aimes et t'adores, soit tu rentres pas du tout dedans et tu détestes. Et c'est vrai. Je pense que c'est totalement vrai parce que l'expérience a été différente les deux années, moi. Parce qu'il y a une théorie. Bob a une théorie. La théorie du dimanche. C'est-à-dire que pour lui, on rentre totalement dans le Hellfest que le dimanche. Ta théorie. Hein. Je l'assume. Totalement. Oui, non, c'est pour ça, je veux dire que je parle en ton nom, mais si jamais je dis de la merde, arrête-moi. Non, je ne t'arrêterai pas de toute façon. Et... je t'aurais déjà arrêté depuis. Ah, c'est gentil. Et donc, et apparemment, il n'y a que l'année dernière où ça a été différent. Tu es rentré dedans plus rapidement que le dimanche. Ouais, je pense que j'étais bourré plus rapidement. Tu as été bourré très, bien avant le dimanche, c'est vrai. Soit dit en passant, la bière du Metal Corner. Changer. Oui, il y a eu quelques problèmes. Ça, il y a deux ans, ça m'avait pas marqué, moi. Je me souviens plus trop comment je suis retourné à ma tante. Je me souviens titubé entre des gens. Mais la bière, ça allait. Alors que cette année, la bière, j'ai souvenir de l'avoir jetée. On l'a tous jetée. Non, elle était dégueulasse. D'accord, c'est ça les explications. Non, oui, elle était dégueulasse, oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'on va toujours acheter la première bière le jeudi soir pour avoir le verre. Voilà. Metal Corner. Alors que pourtant on est con, des verres t'en trouves pendant les 3 jours partout. Hein, je veux dire, t'es pas. Oui, mais ce verre-là, tu le trouves que sur le Metal Corner. Que sur le Metal Corner, tout à fait. Alors, donc, est-ce que tout le monde peut venir le jeudi soir? Oui. Enfin, tout le monde, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que ceux du camping peuvent arriver le jeudi soir? Oui. Et ceux qui même sont extérieurs au camping? Bah, en fait, chaque billet te donne accès au camping de base. Après, tout le monde n'y dort pas, mais donc potentiellement, oui, ils peuvent rentrer, aller au Metal Corner et repartir. La différence, chaque passe 3 jours. Chaque passe 3 jours, tout à fait. Chaque journée ne donne pas accès au camping. Tout à fait. Si je ne me trompe pas. Ah bah, si, tu te trompes. Les passes à la journée? Bah oui, parce qu'on en a vu arriver tous les jours. Au camping. Ça a vérifié ça. Ah bah, ouais. Je vérifierai ça. Si on voyait les mecs arriver le dimanche matin, on était là comme des cons, on disait, oh, ils arrivent le dimanche, ils sont cons. Mais en fait, ils arrivent au camping le dimanche. Ah, un petit ro, c'est dégueulasse. C'est très très bien, après tout, c'est métal. Hein. voilà, donc on a un peu digressé pour sortir sur vos différentes expériences rapides. Nous parlions de l'affiche. Voilà. Donc tu es plutôt content de cette affiche? Plutôt. Pour un premier, je pense que ça va. Voilà, j'ai loupé une affiche que j'aimais bien l'année dernière avec Black Sabbath et oui. Là je retrouve. Excuse-moi, je t'arrête. La tournée d'adieu de Black Sabbath. La 15e. Je le savais et c'est ce qui m'embêtait. Je ne te dirais pas que je n'ai même pas regardé le concert parce que ça te foutra les boules, mais je n'y ai pas cru, moi, leur tournée d'adieu. Mais bon. On n'y croit toujours pas. Hein. Mais par contre, il va falloir par contre, à un moment donné être lucide. Ozzy n'ira pas au bout. Il a déjà été au bout 14 fois, là ouais. C'est bon. Il avait déjà du mal à aller au bout de la scène. Donc, donc l'année dernière était vraiment une affiche qui te plaisait. Voilà, et là je retrouve un groupe similaire, Deep Purple, donc ça me plaît bien. D'accord. Et toi, Bob Tu vas t'y faire. Je vais m'y faire. Bien sûr. Moi déjà, rien que le design de l'affiche me plaît. Ah oui, carrément. T'aimes ce côté motard. Ouais, j'aime bien le. Ouais. Road to Hellfest, justement, hein. Un peu aussi l'idée. Quoi. Je tiens à dire que j'avais le nom depuis 2 ans. Hein. Je trouve que justement, c'est l'année, en fait, du coup. C'est vrai. On fait bien de commencer parce que l'affiche colle bien au thème. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien l'affiche, un peu Easy Rider. Un peu... Bah, il y a quand même, pour le coup, autant dans mon souvenir, encore une fois, arrête-moi si je me trompe, il y a 2 ans, t'aimais beaucoup l'affiche, l'année dernière, moins. Ouais, moins. Et cette année, il y avait que des groupes que tu surkiffes, quoi. À part, il en manque certains, mais. Ouais, il en manque certains. Bah, par exemple, Mastodon, qui vient de sortir un album vendredi, que j'aurais vraiment adoré voir. Mais que j'ai vu d'ailleurs en 2015. Oui. Excellent concert. C'est vrai. Vraiment, ils sont. J'en ai vu la moitié, c'était une moitié excellente. Non, vraiment très bon. Et ouais, non, il y a beaucoup de goût. Enfin, moi, ma tante, c'est vraiment la vallée. Hein, pas... Oui. La vallée qui est plus une scène. Stoner, Doom, Stoner. Sludge. Oui. Et un petit peu vieux hard rock. Aussi. Calme un peu, voilà, un ça peu... C'est... et ambiance, ça serait vraiment alors, mon style aussi. Oui, par contre, c'est important que tu en sois conscient. Je peux pas te garantir que tu n'auras pas un taux, comment dire, dans le sang de drogue douce, parce que dans la vallée, tu consommes même si tu veux pas en fait, tellement il y a un nuage de fumée. D'accord, sympa, c'est le ouvert, collectif, hein. C'est ouvert, hein, bien sûr, c'est... oui, c'est ouvert, mais. Il y a des ambiances. Mais bien sûr. On partage. Il y a une autre ambiance que sous l'altar où c'est pas. Ah oui, même la Warzone. Hein. Oui, oui, il y a une autre ambiance que la Warzone, c'est vrai. Plus hardcore. C'est vrai. Mais on aura l'occasion de revenir sur les différentes salles, parce que les différentes scènes. Flaques de bière, que des nuages de fumée. Tout à fait. Non, mais je veux dire, c'est que ça se mêle bien à la musique, en fait. Des fois, tu peux apprécier plus des groupes grâce à cette fumée qui est présente et qui donne une ambiance objective. Mmh. Et des fois, ça te fait totalement sortir du truc. Par exemple, c'était quoi le groupe que j'avais vraiment pas aimé? C'était Riot God, non? Yes. Ouais. Je me souviens très bien que Bob m'avait dit ah, c'est du Doom, c'est tout. Je suis pas convaincu. Je fais non, vraiment, ça le fait pas. Partons. Ouais. Ne restons pas. Et donc, beaucoup de groupes que tu aimes. Ouais. Très peu de. Bah, que de la joie. Moi, je me souviens de ta réaction qui était totalement joyeuse. Ouais, on peut voir mon sourire sur mon visage. Hein, y a pas... Il ne sourit pas. Mais en même temps, je ne l'ai jamais vu sourire. Donc, c'est peut-être lié à ça. C'est mon côté sombre. Et quant à moi, eh ben, en étant tout à fait honnête, cette affiche m'a déçu. Parce que, au premier abord, il n'y avait rien de ce que je m'attendais. Et du coup, c'est en regardant après plusieurs fois que les têtes d'affiche, je vais pas vous mentir, moi Deep Purple, je suis content de les voir parce que je les reverrai sûrement jamais ailleurs. Aerosmith, la même. Linkin Park, si je suis encore trop fatigué, j'irai peut-être jeter un œil pour voir. Mais vu les dernières chansons qu'ils ont sorties, il y a peu de chance quand même, les mecs. Ça ne serait pas gagné. Juste pour ma jeunesse. Voilà, pour l'album Hybrid Theory, voilà, se dire est-ce que vous allez en jouer un morceau, c'est obligé, merde. Mais à part ça, je voyais vraiment rien qui se démarquait. Puis il a fallu que je regarde quand même plusieurs fois pour voir 2-3 groupes que j'avais vraiment envie de voir et que j'avais pas vu, et que je me rende compte que c'est l'avantage d'une affiche comme le Hellfest, c'est que t'as tellement de tout que c'est impossible de pas trouver ton compte. Sur ces 180 groupes, c'est ça? Bien sûr. Donc, je crois à peu près. Tu vois, il me semble que ça a été annoncé 200 artistes. On est plus près des 180, je crois. 160. Je peux essayer de regarder, mais il me semble que ça doit être ça. C'est pas très très grave. Non, j'ai pas du tout fini. Demande à Joe si on veut. C'est bon. Il est bien. Et du coup, c'est vrai que. Ça m'a moins emballé parce qu'il y a déjà en plus des groupes que j'ai vus il y a deux ans, qui, comme même l'année dernière, il y avait déjà Slayer, Airborne, on a regardé de loin. J'ai vu Trust, Tataratata, c'est bon, ça me suffit. Oui, mais je suis pas sûr qu'on parlera du cas Trust ici, je pense qu'on a. Non, c'est bon, j'en ai parlé. Ouais, d'accord. Ils sont passés ici il y a pas longtemps. Voilà. C'était complet, c'est dommage, parce que si ça avait pas été complet, j'avais. Je n'y serais pas allé. Voilà. Joe, toi, Trust? Non. Est-ce que vous êtes d'accord sur la théorie? Parce que quelqu'un m'a sorti cette théorie au boulot, ça m'a fait beaucoup rire, que ouais, c'est bon, Trust, de manière, tout le monde connaît que Antisocial, et c'est marre. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Hein. Je dois connaître 2 autres chansons, peut-être, Je ne connais aucune autre chanson. Voilà, c'est donc... un peu vrai, ouais. Voilà. Et pourtant... C'est pareil, c'est comme toi, pour Linkin Park, je pense que ça fait plus partie d'une espèce de nostalgie, d'une époque... Ça a 40 ans quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. C'est comme le retour de Renault, c'est pathétique, enfin, pour ma part. Non, après, les pathétiques, c'est un groupe. Ah oui, c'est un excellent groupe qui. D'écouter la démo, l'EP. L'EP bientôt disponible, l'EP. L'EP, ouais. D'ailleurs, Renault aurait pu à une époque être au Hellfest, je pense. En tant que spectateur, ouais. C'est pas toi qui m'avais dit qu'il y avait eu Patrick Sébastien une année? Patrick Sébastien. C'était une connerie. T'as dû rêver. Oh, j'étais sous encore. Ça fatigue. La fatigue, hein. La fatigue, ça fait un effet. Aminé, à la rigueur, peut-être. Bon, je parle d'un temps que les gens ne savent plus. Et du coup, je suis content en fait de revoir les groupes que j'ai quand même vus il y a 2 ans. Et en fait, j'attends beaucoup, par exemple, d'In Flame, dont le dernier album m'a totalement laissé. Quoi? Ouais, mais je l'ai écouté 15 fois. Vraiment 15 fois. Je me suis dit, c'est le bon nombre de fois pour parler d'un album, enfin pour avoir quelque chose à dire d'un album. Et au bout de 15 fois, je me suis enfin dit, ouais, peut-être en live. Mais vraiment, parce que tu sais, je commençais à Pourquoi pas? réentendre, à entendre derrière la production qui est vraiment horrible. La production, elle est horrible. Ils ont fait des choses qu'on ne fait pas dans un album. Pas été produit en France, cet album-là. Non, non, non, il a été Non. produit à Los Angeles Ouais. et sous le soleil, alors que d'habitude ils font ça dans la nuit, dans leur vieille Ah ville. bah c'est ça. Ben, c'est pour ça, Sous mais le ils l'ont dit, c'était un soleil. truc très très joyeux. Et vraiment, ben, enfin, moi j'ai pas du tout accroché, mais. Genre Annie Cordy. Non, peut-être pas quand même, mais plus. C'est vraiment la prod que j'aime pas en fait. Les Ouais. chansons ressemblent à du In Flames, mais c'est la prod qui m'empêche de les apprécier. Ils ont mis plein de petites voix, enfin chelou. Enfin, ça marche pas, ça marche pas. Je ne suis pas sûr qu'on puisse passer des extraits sans se faire striker après en diffusant le T'as moyen de mettre podcast. toute l'affiche? Oui, l'affiche, je peux la mettre. Je vais la mettre de suite. J'attends le Running Order, moi, en fait. Normalement, il Voilà. sort dans le Rockard, hein, si je me trompe pas. Et ben là déjà, Le 8. on Hein. a quand même tout, toutes les scènes. Donc on sait exactement où passe voilà, où passe chaque groupe Ouais. et quel jour. Je serais assez curieux sur Prophet of Rage, quand même. Bah franchement, j'y crois pas moi, c'est un pétard mouillé ce truc. Ah ouais? Franchement, bah ouais, j'ai écouté vite fait un peu sur Spotify, j'ai un abonnement premium, c'est pas de la pub, je paye, je quand même devoir en parler. Et j'ai écouté, franchement, quand tu commences à écouter leur single, il est pas mal, puis après quand tu tombes sur Killing in the Name, tu dis que c'est du foutage de gueule quand même, tu Ah oui, d'accord. vois. Ouais, enfin, j'adhère pas. Donc Prophet of Rage Against the Machine, du coup. Bah oui, du coup. Ben voilà. Mais non, non, mais pourquoi pas en live, mais je suis pas du tout curieux de ce groupe-là. J'ai plus envie de voir quelqu'un, toi, comme Rob Zombie, que je ne connais pas. Je l'ai vu deux Enfin, fois que je ne déjà. connais pas en live déjà et que je connais pas assez musicalement pour. Alors moi, pour l'avoir vu deux fois, à chaque fois, ses 3-4 premiers morceaux, il en chie pas mal. Puis une fois qu'il est lancé, ça le fait. Franchement, il donne un bon show. Mais c'est pas les shows qu'on voyait dans les années 90, quoi, quand il faisait vraiment ses albums. Et il y avait sûrement plus d'imagerie aussi à l'époque que maintenant, non? Ouais, bah, il y avait plus de... Il y avait une bonne mise en scène, quoi. Pas D'accord. comme Alice Cooper, par exemple, qui nous avait fait une putain de mise en scène sur 2012, si je me trompe pas, qui était génial, quoi. Je suis resté... La gueule ouverte tout le long du concert, Mais quoi. c'était quand? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il est revenu? Cooper, c'était l'année dernière, je crois. Bah, là aussi, il y avait un truc, hein. Mais je On n'y l'a suis vu, je l'ai vu de pas loin aussi, allé. moi. Et En de. 2012, ouais, j'avais fait par curiosité, en fait. Et franchement, j'ai pas été déçu du tout C'est du vrai, c'est show. vrai, c'est vrai. Du coup, est-ce que pour cette édition, enfin pour vous, ça serait quoi les groupes qui manquent vraiment? Autant pour moi, Donc, c'est 2011, je crois. ah, c'est pas. Petit objectif, je suis pas sûr. Il y a quoi comme groupe que qui pour toi n'est pas là et aurait dû être? Eh Moi, ben, je l'ai déjà dit avec Mastodon. Mastodon, ouais. J'aurais aimé revoir Orange Goblin parce que j'ai trouvé le show d'Orange Goblin excellent. C'est vrai. Les mecs se la donnent bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, franchement, bah, je suis assez content parce qu'il y a des groupes que j'ai réclamés pas mal d'années qui viennent. Et puis ils sont Comme. venus tous la même année, t'as vu? Tous Ouais, ceux c'est ça. Non, mais que je t'as pense réclamés, que ils j'ai sont eu venus. une bonne influence ou une bonne étoile, ou le dieu du métal existe peut-être. Enfin, enfin, Enfin, non, mais enfin. j'ai prié plusieurs années et à chaque fois il y a des choses bizarres qui se sont accomplies pour ma part. Je pense que le dieu du métal existe. Enfin, pour moi D'accord. en tout cas. Et ouais, non, je suis assez content de voir Primus par exemple, un groupe que j'ai jamais vu et que je suis assez fan depuis. D'ailleurs, je t'arrête une petite seconde parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas eu Red Fang passe sous la vallée. Ah. Je pense qu'ils ont compris le Voilà, je revers pense qu'ils ont il y a deux compris ans. sur le main stage, c'était Ouais, pas bien. ça collait pas. J'expliquais tout à l'heure à Joe un peu la manière dont étaient placées les scènes et c'est vrai que j'ai oublié de te parler de ça. Enfin, j'expliquais le Mais fait c'est que pas sur un le main groupe stage 1 et main extérieur. stage 2, en fait, ça s'alternait. Donc tu pouvais un peu sûrement deviner que bah, le dimanche, par exemple, ça allait soit finir par Linkin Park, soit Slayer, soit ils décident de mettre vraiment le feu avec Slayer à la fin, ou ils mettent le gros groupe en tout dernier. Si tu regardes, Linkin Park est écrit plus gros, donc je pense que. Moi, je suis pas sûr. Hein. Parce que si tu regardes bien, du coup, Apolitica, il est pas. Enfin, ça joue. Tu crois Non, que ça joue? c'est plus une question de police, là, je Ouais, pense. bah bon. Écoute, c'est Non, pas très j'en ai grave. aucune Non, mais idée, j'en sais rien. On verra bien avec le Running Order, de toute voilà, et façon. tu verras donc avec Joe, tu verras qu'avec le Running Order, le vrai problème, c'est que tu vas devoir sacrifier des groupes. Et Ouais. ça C'est fait horrible, chier. ça fait chier. Ou alors tu Parce cours. que si tu Voilà. remarques, C'est pour ça là que par j'essaye de exemple, m'organiser le plus possible, là, sur la Temple et sur la Warzone, moi La je vois Warzone. le vendredi Alstorm et Rancid. Ouais. Et Et là, tu là, vas ça devoir fait courir. chier. Ça va tomber un peu en même temps. Ben ouais. Parce que Rancid, c'est un groupe que je réclame aussi depuis des années, c'est la première fois que je vais les voir. Et Alstom, on n'avait pas raté la... C'est possible, je ne sais pas. Je n'ai aucun souvenir de... J'ai découvert ça vraiment début d'année, au milieu d'année 2015, vraiment le groupe. Avec Drink, hein, forcément. Mm. Et du coup, ouais, j'ai écouté, réécouté les albums. Et je trouve ce petit groupe bien sympathique, ma foi. Mais en fait, là, nous sommes revenus sur l'affiche alors qu'on parlait de tes manques. Donc, nous avons dit Mastodon. Mais moi, j'ai quand même envie de dire mon mot. Vas-y. J'attendais quand même un gros groupe. Tu notes quand le mec décide de prendre la parole. Ouais, t'as vu. Vas-y. C'est pas. Des initiatives. Ouais, c'est bien. Metallica. Ah putain, je m'en doutais, je voulais éviter ce débat. Maintenant, ils ont sorti un nouvel album. On ne peut pas, mais moi non plus, j'en parlais pas. Attends, écoute, laissons-le parler. Vas-y. En même temps, c'est sa première année, c'est normal. C'est les questions de première année. Bien sûr. Vas-y. Pour plus de nostalgie, sans parler de Linkin Park, System of a Down. Voilà. Ah oui, ah ouais. Ah putain, j'avais oublié cela, mais complètement. Tu as raison. Je l'ai pas noté. J'ai noté dans mes groupes qui manquent et je vais le marquer parce que c'est vrai. Il a raison. System of a Down. Je suis entièrement d'accord. En fait, le problème avec Metallica, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, Metallica AC/DC, c'est les deux noms qui tous les ans sont attendus, répétés, que les gens demandent et qui ne seront pas là. Mais il faut continuer à demander. Non, ils seront pas là. Parce qu'en fait, comme ça a été très clairement expliqué. Metallica vient, t'as pas 180 groupes, mais t'as Metallica. Et en fait, au final, ça n'a pas de sens. Le Hellfest n'a pas besoin de Metallica. Ouais, ça serait cool, effectivement. Ils viennent un dimanche. Ça arrivera pas maintenant. Je suis pas sûr que ça arrive et je suis pas sûr que ce soit utile au festival. Ou par contre, un warm-up. Par hasard. Les mecs sont là. Eh ben voilà. Non, mais. Donc, ils seront pas là. Mais comme AC/DC, c'est pareil. Après, par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Metallica participe à beaucoup de festivals et ils n'ont aucun sens, les festivals auxquels ils participent, je trouve. Je les ai vus là, dans une affiche. Ouais, ils sont au milieu de nulle part et tu te dis, mais pourquoi, quoi. Mais bon, Metallica, voilà, c'est le groupe que... Voilà. Par contre... Par contre, System of a Down, Oui, quand j'ai vu qu'ils étaient annoncés au download, j'ai eu les boules parce que j'étais persuadé qu'ils allaient être au Hellfest. On y a tous cru, je pense. Vraiment, c'était le groupe que j'attendais de voir et qui aurait eu, là, pour le coup, totalement sa place. Je dis pas qu'il a pas sa place au download. Hein. Le download, vraiment, cette année, je trouve ce qu'ils sont en train de faire sur tout ce qui est à côté du camping et tout ça par rapport à l'année dernière, c'est violent, quoi. C'est vrai. Que ce soit les séances de cinéma ou les concerts, tous les soirs, il se passe des trucs hein, là-bas. Je trouve ça très, très cool. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la première édition. Qui était un bon festival, et sans tout le barnum Hellfest, justement, qui était un bon festival, qui avait sûrement des choses qui n'allaient pas et tout, mais voilà, l'affiche était bien. Il y avait beaucoup de groupes qu'on retrouvait la semaine suivante au Hellfest, mais l'affiche était très bien. Comme Horace Pop, comme... Ouais, voilà, comme dans beaucoup de festivals. En fait, quand tu regardes bien, il y a 2-3 festivals qui passent en même temps et en fait les groupes s'enchaînent. Genre un jour ils sont là, le lendemain ils sont à l'autre. Et en fait c'est comme ça que les mecs ils essayent de faire leur running order aussi du coup. Et le download avait une affiche qui était bien, mais je trouve que cette année ils ont poussé un peu plus loin. Quand tu regardes, il y a vraiment une vraie différence avec le Hellfest cette année. Bah, c'est ce qu'ils essayent de faire, je pense. Voilà. Justement, et c'est... du coup il y a Mastodon, je crois. Bien sûr, ouais. Ah, non, mais ils passent aussi sur un petit festival à Strasbourg, tu vois. C'est quoi, c'est pas le truc. C'est pas au mois d'août, non? Juillet, je crois. Il y a 3-4 groupes, non? Il y a quelques groupes, il y a Trust, Mastodon et. Attends, il y a un autre groupe. J'ai vu l'affiche. L'affiche est toute pourrie, elle a pas. Elle est pas formidable. Mais bon, voilà quoi. Et donc, System of a Down, ouais, grand absent. Moi, un autre absent, pour le coup, j'ai vraiment été surpris, c'est que j'étais sûr, je m'étais dit, c'est bon, cette année ils sont là, Machine Head. J'ai cru entendre qu'il ne faisait plus de festival Machine Head. Ah bah ça serait vachement. Depuis un an ou deux. Ah bah peut-être, je sais pas, ouais. Festival. Bah peut-être. Et tu regardes, et c'est vrai qu'ils apparaissent dans aucun festival, donc je pense que ça doit être ça. T'écoutes un peu Machine Head du tout? Alors c'est un vieux groupe, c'est pour ça qu'il passe plus? Non, c'est pas forcément un vieux groupe, mais c'est parce que. C'est plutôt une volonté. Par contre, c'est un groupe qui a une vraie volonté. Normalement, ils ont plus de photographes non plus à leur concert, donc ils sont très comme ça. Bon bah. Non, c'est un groupe de l'ère 2000. Hein, Bon, 90 quand même. Hein. 90 ? Ah ouais. À l'époque Roadrunner, tout ça, tu sais, où il y avait Sepultura, machin, tous ces groupes-là. Ouais, oui, non, bah oui, d'accord, en fait, oui, d'accord, je. Oui. D'accord, je reformule. Oui, c'est les groupes que j'ai découverts en 2000. Oui, voilà. C'est... Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est moi le... Et pour compléter aussi, je pense qu'il y a un groupe qui aurait totalement sa place aussi au Hellfest. Et je pense que beaucoup y ont pensé, c'est les Foo Fighters. Oh, mais oui. Mais oui. C'est vrai. Et là, pour le coup, quand tu mettrais Foo Fighters ou Linkin Park, tu dirais que les Foo Fighters, bah oui. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est quand même le groupe qui est un des groupes les plus mainstream au monde et qui fédère autant de styles, en fait. Ouais. Parce que c'est rare les gens qui disent « Moi, les Fighters, j'aime pas », parce que c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est, Je pense qu'il a tout compris au rock, ce mec-là. Ah ouais, bah ça... Les Fighters, tu vois ou pas ? Non. Non, les Fighters, en fait, à la base, petite historique musicale, le chanteur des Fighters, Dave Grohl, et le batteur de Nirvana. D'accord. À la mort de Kurt Cobain, il avait déjà commencé à travailler sur son premier album et il a sorti. En fait, ça s'est chevauché peut-être pas à l'année même, parce que ça serait. Je pense que c'est lui qui a tué Kurt Cobain. Ouais. Il doit faire son truc en loose. Mais après, je pense. Et en fait, il a fait sa propre musique à lui, qui était totalement, qui avait rien à voir avec Nirvana quand même pour le coup. Et... Bah, son bleu premier album, non. Et la suite, encore moins, rien à voir avec le premier album. Et en fait, il a vraiment touché à tout. Je te le conseille, je pense que tu aimerais vraiment. Franchement, ouais. Parce que ça, c'est pas métal, hein. C'est rock. Mais rock dans tout ce que ça englobe, dans sa plus grande globalité, quoi. Bon, une petite note de tristesse, hein, pas de Motorhead cette année. Bah non, forcément. Bah non, parce que... La force des choses, Lemmy, petite pensée. Ouais. Mais en même temps, quand on l'a vu tous il y a 2 ans, on s'était dit... Non, on va pas la faire. D'accord. Va... Alors, sinon, dans les autres absents, moi j'avais marqué Trivium parce que ça fait des années que je voulais voir et je les ai vus l'année dernière au download et j'étais dégoûté que ce soit pas Hellfest. Parce que c'est un groupe qui divise. Voilà, il faut des groupes qui divisent. Trivium, ça divise. Des petites chemisettes. Ça divise. D'accord, ça divise. J'avais marqué aussi Tool parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Outil. Voilà. Il y avait un autre groupe qui. Alors, pour le coup, en fait. Moi, m'a surpris par son absence parce que c'était la première année qu'ils avaient vraiment quelque chose de nouveau à défendre, alors que ça fait 2 ans qu'ils étaient là, mais je pensais qu'il allait encore avoir Korn. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et pour le coup, en fait, je comprends très bien tout le monde qui a dit justement « Ah, il n'y a pas Korn, tant mieux, machin », mais en fait, franchement, sans déconner, il y a 2 ans, Blind en son intégralité. Génial. Et l'année dernière, j'ai redécouvert Korn. Et l'année dernière, c'était vraiment top. Bon, leur nouvel album est bien « Mais Korn », du coup, voilà, c'était pas. C'est vrai que cette année, oui, ils avaient quelque chose à défendre. Voilà, ils avaient quelque chose à défendre, donc ça aurait été vachement plus cohérent de les voir. Et du coup, voilà, j'étais déçu. Enfin, ça, c'est mes petites. Peut-être que cet album-là s'est fait par hasard, et du coup, ils n'avaient pas prévu le coup. Sûrement, ou c'est plutôt leur venue au Hellfest qui n'était pas prévu par hasard et tout. Peut-être parce que ça a été coupé en 2015. C'est vrai, tout à fait. Et est-ce que vous avez déjà des groupes que vous avez notés cette année, alors autre ce qu'on a déjà dit, qui ne connaissait pas avant ? Non, alors peut-être. On a découvert. Voilà, peut-être. Je pense que Joe, du coup, a découvert beaucoup parce que si tu regardes bien, il a l'appli Hellfest. C'est sa liste de courses. Attends, on va en parler après de l'appli. Commence pas à tout cramer. Donc, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que t'as. Si j'en prends un au hasard que j'ai écrit, Ray Brower. Oui, alors il m'a fait écouter tout à l'heure, je sais pas si tu connais. Non, même pas de nom. C'est pas mal. Donc, Ray Brower, un groupe de. J'ai aucune idée, donc je vais aller regarder. On est obligé d'être méga qualifié. Ben, bien sûr. Ray Brower. Je trouve que pour quelqu'un qui a. Qu'un. Un peu de métal. Qu'un quoi On en parlait il y a quelques jours de ça. Dans une bière. Metalcore, c'est du metalcore. Non, bon, j'aurais pas forcément dit ça avec ce que j'ai écouté tout à l'heure. Je l'aurais classé là-dedans, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Ah, d'accord, ok. Metalcore. Bah, je réécouterai en tout cas, c'est vrai, ce que j'ai entendu tout à l'heure. Sans avoir vu, ouais, je l'aurais classé là-dedans. Très très bien. Qu'as-tu d'autre ? Eh ben, je suis content de voir qu'il y a 2-3 groupes français comme Sidi Larsen. Ah, je sais pas du tout ce que c'est. Tagada Jones, oui. Nicky Larson. C'est Tagada Jones qui était hier soir. Alors j'espère que je fais pas de faute de prononciation. De toute manière, je pense pas qu'ils vont entendre et venir se plaindre. Voilà. Peut-être que d'autres gens, oui, fans de ce groupe, vont tomber sur ce podcast et vont nous insulter et voilà. Vouloir sûrement faire des misères à nos mamans, mais bon, elles ne sont pas là. Voilà. La mienne est morte. Oh, et voilà. Ah, on fait pas de blagues. On fait pas de blagues sur les morts, on a dit. Oh, ça va, merde. Ouais, bon. Bon, donc vous pouvez pas vous occuper de la mère de Bob. La mienne est toujours vivante, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Sinon, j'ai découvert un groupe assez intrigant, perturbateur. Oui. Perturbant, plutôt. Oui, c'est vrai. Et d'accord. Je le classerai sur du métal électro. Carrément. Moi, tu m'as dit perturbateur, j'ai pensé à Black. J'ai pensé à ça aussi, ouais. Mais bon, c'est souvent une erreur. Avec un peu de sang de porc, tout ça. Non, faut... Tu sais... alors, je fais une petite aparté. C'est un cri. Non, je fais une petite aparté en fait pour me rendre compte que j'ai une très mauvaise connaissance du black metal, principalement en fait liée au début. Et en fait, j'ai regardé pas mal de choses sur internet récemment qui parlaient de ça. Et en fait, le black metal est hyper. Est beaucoup plus vaste et intéressant qu'il ne laisse le présager au départ. Donc. Ça ne retire rien à ta critique, mais cette histoire, histoire de balancer. Le Cradle of Filth, c'est franchement le black. Je ne connais pas. Parce que, ah oui, tu ne connais pas, mais ce que je veux dire, tu aimes bien Cradle Je ne sais pas. Je ne sais plus en fait, parce que j'ai des potes qui écoutaient ça années 90. Ouais, bah. Et du coup, je ne sais pas si je pourrais dire je subissais, parce que j'écoutais, hein, j'étais curieux de connaître tout ça. Ouais. Non, j'ai pas prolongé le mouvement black ne m'a pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est principalement à cause du chant? Je trouve que. Ouais, franchement. À la rigueur, je suis plus death, du coup. D'accord, ouais. Oui, là, je te rejoindrai. Je ferai un peu plus sur ça aussi, moi. Les chants graves que aigus. D'accord. Mais après. Donc, je viens de regarder sur l'appli Hellfest, Perturbator, c'est. C'est de loin l'OVNI de cette édition 2017. D'accord. Et apparemment, c'est un DJ adepte d'une œuvre sombre rétro-futuriste inspirée par les années 80. Un DJ. D'accord. Une légende... Alors, ils disent... qui se cache derrière ce nom à qui on associerait aisément un groupe de trash allemand. C'est vrai, Perturbator. Comme quoi, nous, on était déjà perdus. Ouais, voilà, c'est ça. La vérité se veut rationnelle, mais tout aussi surprenante quant à sa participation dans le cadre d'un festival métal. Il s'agit de James Kent, un DJ adepte d'une œuvre sombre. Ça serait un DJ, donc ça m'intrigue beaucoup. Ouais. Ça fait deux groupes que tu cites qui m'intriguent et j'irai jeter un œil. Et à ce niveau-là, c'est pareil. Je ne crois pas qu'il soit déjà passé. Carnival Incoil, qui est pareil. Qui est un groupe français. Ah, je ne sais pas trop. Hein. J'ai écouté ça aussi il y a très longtemps. Et c'est, je crois qu'aussi il y a de l'électro avec un DJ. Enfin, je ne sais plus trop. Et c'est très death, je crois. Mm. Pas trop, ça fait longtemps C'est un point que je voulais d'ailleurs aussi mettre. Un point que je voulais mettre, donc je mets un point. Voilà. Voilà, passons à autre chose. Non, je voulais juste. Je suis pas un fan des étiquettes de métal. Enfin, non, je suis pas un fan des étiquettes en général. Je trouve ça hyper. Ça gratte en plus. Ouais, déjà. Oh. C'est vrai. Ah, Joe aime bien l'humour. Non, je suis pas un fan des étiquettes qu'on met sur la musique parce qu'au final, en fait, ça a plus de sens et c'est déjà de base. Ça te crée un avis avant même d'écouter ce que c'est. Et tu vois, la Perturbator, on pensait que c'était du black. Alors eux, ils disent déjà du death. Je pense que ça permet de situer quand même, un peu. Oui, ça peut te situer, mais c'est. Tu vois, le fait que toi, quand t'as entendu le mot DJ, t'as déjà tiqué. Ouais, voilà, alors, sur Carnival Incoil, ouais, forcément, bien sûr. Ouais. C'est ça, tout à fait. David Guetta, tout ça aussi. Mais exactement. Bon, Joe, continue avec ta participation de nouveaux groupes. Ah, d'ailleurs, au passage, je trouve ça hyper intéressant que tu notes. Il nous cite que beaucoup de groupes qu'on ne connaît pas, du fait que voilà, parce que justement, lui, il arrive avec son expérience et sa culture musicale, autre que la nôtre, mec fermé qui connaissant que Linkin Park et System of a Down. 80% des groupes, je ne les connais pas. Et ben, donc, moi non plus. Là, mais c'est toujours bien aussi. C'est un véritable enrichissement, là. Je découvre beaucoup de choses. Donc, il y a pas mal de noms que je vais prendre là sur ma liste. WASP. Wasp. Un groupe très connu, ouais. Et t'as bien aimé ça? Ouais, j'ai bien aimé, c'est pour ça qu'il est sur ma liste. C'est vrai, c'est con, ma question était con, je le reconnais. Ouais. Tout à fait. Non, parce que c'est vrai que pour l'instant, tu cites des trucs qui sont vraiment très différents, je trouve. Je trouve c'est vraiment bien. Bah, c'est la découverte, donc je veux en voir un maximum de styles différents. Voilà, je veux aller sur toutes les scènes, je veux tout voir. Ouais, d'accord. Ouais. Je veux en profiter en maximum. Ça, c'est le premier Hellfest, le mec, il veut tout bouffer. Ouais, et puis le vendredi soir, il sera déjà mort. Exact, voilà, c'est ça. Tu sais. Bref. Donc, quoi d'autre? Regarde les hommes tombés. Alors ça, j'ai écouté vite fait, j'ai pas du tout adhéré. Mais je vais écouter un peu plus. Mais ce que j'ai entendu, c'est vachement électro, je trouvais justement. Enfin électro. DJ, Carnival Incoil. Ouais, ça se rapproche de Perturbator. Voilà, bah. Ah, tu vois. On était pas mal. Hein. Ouais. On est pas mal. Quoi d'autre? Phil Campbell, ah. The Bastard Sons. Qui est Phil Campbell? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh merde, pourtant t'as beaucoup d'albums où il joue. C'est vrai? C'est un guitariste d'un ancien membre. C'est guitariste d'un ancien groupe qui s'est arrêté récemment pour cause de décès. Status Quo. Non. T'as beaucoup d'albums de Status Quo? Oui. Ah merde. C'est pour ça qu'il dit. Je dis ça parce que pas, Rick Parfit. Deux fois où je suis con. Et merde. Le guitariste de Status Quo est décédé, Rick Parfit. Ah mais non, vu que là c'est le guitariste du groupe, il est pas à bord. D'accord, j'ai pas compris. Allez, bam. Chacun son tour. Non, vas-y. Réfléchis enfin. Motorhead. Ah, d'accord. C'est Motorhead. Ouais, c'est le guitariste de Motorhead. Quelque chose à dire là-dessus, Bob? T'as pas écouté? Que dire? T'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté. Ça t'intéresse? Oui, bah oui. Mais après, je ne peux pas écouter si je travaille et du coup, avec les gosses, machin, tout ça. Oh, on sort l'excuse des gosses. Combien de temps ne fonctionne pas. Combien de temps, monsieur Ami? Il a mis une demi-heure pour sortir l'excuse des enfants. Mais c'est pas un reproche. C'est totalement pas un reproche. Ce qui est bien, moi, c'est que j'écoute 7 heures de musique au travail. Oui, lui, il a du bol. Voilà, mais... voilà c'est ça. Ça, c'est valable. Moi, je ne peux pas parce que j'ai un téléphone qui sonne toutes les demi-heures. Mais voilà, après. L'excuse du travail, 32 minutes, du coup. Hein. Bah, c'est bien déjà, c'est pas mal. C'était pas mal. Hein. On m'a attendu. Quoi d'autre, Joe? Queensrÿche. Oui, fameux. Ah. Now I'm gonna feel the ripper. Un très grand Queensrÿche. Très, très, très calme, très sympa, très agréable. Motionless in White. Oui, alors, Motionless in White, c'est marrant parce que je voulais le voir il y a 2 ans. Et puis j'avais dû te suivre quelque part, Bob, et... C'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, je suis grand, je peux choisir. Mais oui, j'aime assez, j'aimerais bien voir aussi, ouais. D'autres groupes? Ouais, Opeth. Alors voilà, Opeth, voilà, le cas d'école. Deux écoles. Il y a les fans d'Opeth et il y a les pas fans d'Opeth. Alors, non, il y a les fans d'un album d'Opeth. Oui, c'est ça, certain Opeth. Voilà. Et t'as écouté beaucoup de Opeth? Tu connaissais avant ou pas? J'écoute du tout. Mais sinon, sur tous les groupes que je te cite, là, j'écoute à peu près 5 titres. Et là, tu vois, j'en ai sélectionné une quinzaine, j'en ai écouté une trentaine. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, parce que Opeth, c'est vraiment un groupe qui... En fait, t'as l'impression que c'est un nouveau groupe à chaque album. Ouais, donc, c'est vraiment... Moi, j'avais le... C'était Parkway... l'album... c'est leur album, tout le monde le sait, ça sert à rien de parler, de chercher. Vous l'avez, de toute manière, vous faites pas chier, l'avez tous. On a fouillé dans les... Fouillé. C'est celui qui a permis au groupe de se faire connaître, parce que c'est un groupe... c'était quoi, pour le coup, c'était du black. Une espèce de black... C'est atmosphérique, non c'est... Ah, ça existe, ça, ce style atmosphérique? Bah ouais. J'ai regardé. Alors... C'est très aérien, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Et voilà, il donne pas le style, donc on va dire que c'est Opeth, et puis voilà. Non, mais c'est un très bon groupe. Ça m'est arrivé souvent de retourner régulièrement en fait à écouter des nouveaux albums, et à chaque fois j'ai l'impression de découvrir un nouveau groupe, et ça m'a un peu perturbé, c'est vrai. C'est un vrai groupe qui sait se renouveler, c'est bien. Voilà. Un petit dernier, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Jorn. Il ne sort que des trucs que je connais pas, c'est hallucinant. En même temps, avec le nombre de groupes qui passent. Non, mais en fait, c'est le seul qui a bossé en fait, vraiment. C'est ça. Tu dis où ça? C'est le seul qui peut écouter de la musique au boulot. C'est un genre que je connais pas du tout, c'est quoi ça? J'ai voir Vinnie Paul, quoi. Je le vois à l'envers. Hein, non, mais même de devant. Même là, il ressemble à ça. Ah, ouais, effectivement. Sous Prozac. Et bah, moi, du coup, à mon tour. Ouais. Et bien sûr, le seul connard qui n'a pas de liste, c'est pas grave, moi j'en ai que 3. Donc j'en ai marqué que 3. Mais il y en a un qui devait être sur ta liste ou que je voulais. Je suis très content, justement, du coup, c'est vraiment un groupe que je suis content de voir, c'est Soilwork. parce que c'est un groupe que j'aime depuis très très longtemps et bah, j'avais envie de les voir en live. J'avais failli aller les voir à Rennes, j'avais hésité et puis bah, j'avais juste dû pas y aller. donc, je suis aussi très très très content de revoir Avatar, que j'ai vu l'année dernière au download et que bah, en fait je connaissais pas du tout. Et ils m'ont pris en fait. Je suis passé par là, j'ai écouté, j'ai fait oh, c'est hyper bien et j'ai pas lâché. Et là pour le coup, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu sur un groupe, bah, que, sur un mec que je connaissais pas du tout et que du jour où j'ai écouté par hasard, j'ai adoré. C'est Frank Carter et The Rattlesnake qui passaient en première partie en plus de Biffy Clyro au mois de janvier à l'Olympia. J'avais voulu y aller et puis bah, encore une fois, vous n'avez pas pu. Mais c'est très très très très bien, très vivant, ça bouge, le mec se donne à fond. Et en plus, il est rouquin, donc respect. Quoi. Il est rouquin et tatoué, le mec. Dans le milieu du métal, il avait peut-être que ça à faire pour. Mais je pense pour que se faire accepter, c'est ça. Voilà, pour se faire accepter. Mais c'est un mec qui a un vrai caractère de dingue. Et en live, il est hallucinant, quoi. Ouais, j'ai regardé des vidéos YouTube. Je connais mon sujet. Donc voilà, de mon côté. Et toi, Bob ? Bah, moi, dans tout ça. Bah, tout à l'heure, tu nous as parlé de Rancid. Ouais, en fait, je suis assez aussi, on va dire. Hétéroclite, hein, dans les styles musicaux. Bah, je vais certainement me laisser tenter par Aerosmith, hein, forcément. Histoire de dire ? Histoire de dire, et puis je crois que c'est à la fin. On espère. je vais aller revoir Rob Zombie. Encore, parce que j'aime beaucoup son univers, ce qu'il fait aussi bien en tant que scénariste. Oulala, attention à ce que tu vas dire. Non, attention, on peut pas. Alors voilà, j'arrête là. Ouais, parce que... Peut-être Il Nino. Non, donc c'est une blague pour moi, hein, je vous préviens, parce que j'ai. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. J'ai écouté Il Nino et voilà, c'est mon époque néo-métal, je l'assume, je ne me cache pas. Voilà. J'ai écouté tous les albums et figurez-vous, bah, ils sont pas tous bien. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars. Mais... Non, je pensais à Ministry aussi, parce que je pense que sur scène ça doit être pas mal sympathique. Devil Driver pour les avoir vus parce qu'ils ont une putain d'énergie. C'est ce que je t'ai fait écouter tout à l'heure, Joe, Devil Driver, où je t'ai dit que dans le clip il y avait des enfants. Qu'est-ce que je pensais à quoi d'autre ? Bah si, forcément Alstorm, hein, pour le côté très festif et, bonne camaraderie, quoi. Puis j'aime la bière, donc du coup. Ah, t'aimes la bière ? Ça colle bien. C'est ouf. Rancid, groupe de punk. Hein, toi, tu l'as déjà dit, ça. San Francisco, si je ne me trompe pas. Primus. Ah oui, Primus, c'est un ovni aussi, hein, vraiment, ouais. À voir, parce que sur scène, il doit être énorme. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est Tim Alexander à la batterie. Ouais. Donc rien que pour ça, ça vaut trop le coup de y aller. Bah, Clutch. Ouais, Clutch. Que je vais voir encore pour la énième fois, qui ont une énergie énorme. Ouais, Joe, je te conseille aussi Clutch. Stoner Blues, hyper. Ouais, sinon c'est une bonne énergie et franchement c'était je crois mes meilleurs concerts que j'ai fait sur le fest. Ah ouais, franchement, et puis surtout avec Free Power, oui, à chaque fois qu'il commence à partir sur ce morceau là. Et puis si tu pouvais continuer de taper sur la table, c'était agréable pour tout le monde. Monster Magnet, je vais revoir encore. Et que tu as très envie de voir. Ouais, j'ai envie de voir, ouais. Que j'ai déjà eu, deux ou trois fois je crois. Slowburn, hein, forcément, parce que John Garcia, hein, qui est quand même la voix du Stoner. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui. Slowburn, donc bah, c'est pas son projet acoustique, non, c'est pas ça. Non, ça c'est John Garcia. Non, il a ressorti un album. Oui, c'est pour ça. J'ai fait. Ouais, j'espère qu'ils nous reprendront quelques petits morceaux quand même de Chaos. Hein, forcément. Oui, forcément. Excusez mon manque de culture, je m'en excuse auprès de nos auditeurs. Bah voilà quoi. Après. Je pense aussi à Red Fang, Que j'ai Red été Fang, déçu il y a quelques... Il y a deux ans, ouais. Grosse déception. Voilà. Electric Wizard, si je peux. C'est très planant. Je les ai déjà vus et ils font une espèce de Doom, à moitié sludge, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Et derrière, ils passent des petites vidéos un peu zarbi. Ah ouais, ouais, ouais, si tu veux aller dans les fumées, dans la... Enfin, je fume pas, ouais. Dans la vallée, bah en fait, ouais, non, dans la vallée. Hein. Ouais. Et je n'irai pas voir The Dillinger Escape. Ah si, moi j'ai envie, moi. C'est la fin. Marcel Sky, groupe français de Stoner. Mais c'est la fin. Hein. C'est la fin. The Dillinger Escape Plant. The Dillinger Escape Plant. Putain, j'arrive pas à le dire. The Dillinger Escape Plant. C'est, ils arrêtent. Le groupe se sépare. Mais donc c'est la fin. C'est pas grave. Il y a une fin pour chaque chose. Ah, c'est parce qu'en fait, tu n'aimes pas. Non, mais en fait, j'avais été les voir une année par curiosité et je crois que les basses devaient être super mal réglées et ça m'a filé un mal de bide pas possible. Carrément, un mal de bide. Ah, ouais, je me suis cassé tellement c'était ça te prenait. C'est ça. Ouais, ça m'avait fait ça avec. Meuble. Joe, raconte-nous une blague. Meuble Ikea, bien, putain. Joe, merde. Merci, Bob. Ah, c'était quoi ce groupe Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu l'en trouveras. Je vais le noter, je reviendrai le dire et je commencerai le numéro 2 par ce groupe. Je note. Voilà, je vais marquer note. D'accord. Donc, je pense qu'on a un peu fait le tour de l'affiche, non ? Vous avez tous quelque chose à ajouter ? Voici Los Dissidentes del Sucio Motel aussi, qui est un groupe de stoner de Strasbourg. D'accord. J'ai une petite question. Ces groupes de stoner, toi, tu les trouves comment ? Parce que tu fais partie d'un groupe Facebook de stoner Ouais. Non, parce que moi, par exemple, à Los Dissidentes, ça ne me dit rien du tout. Mais en fait, je les ai découverts, à la base, c'était un petit groupe, quoi, comme Jumping Jack pouvait l'être, un groupe de Nantes. Je les ai découverts, je crois qu'ils faisaient un festival, ou je ne sais plus trop, dans le coin de Strasbourg. Et j'avais été écouté par curiosité, je ne sais plus, sur YouTube ou un autre média. Et du coup, non, j'avais trouvé ça plutôt bon. Et là, du coup, je suis assez content de les voir au Hellfest, surtout sur une scène, quoi, qui ne sont pas que au Metal Corner. Mm. Je viens de me rappeler d'un truc que j'ai oublié. Y a effectivement un groupe qui manque cette année et qui avait en plus aussi un album à défendre. Je pense à Head Charger. Exact. Qui avait vraiment sa place là. Tout à fait, qui sont déjà passés d'ailleurs. Et que là, pour le coup, vraiment, cette année, leur dernier album est tellement bon que ils auraient vraiment pu. Ils auraient mérité d'être là. Donc voilà. C'est vrai. Donc je pense qu'on a fait le tour de l'affiche. Merde, c'est pas du tout mon programme d'émission. Mon programme d'émission qui tient sur une page. Donc. Qui ne tient pas sur quoi que ce soit, je n'ai pas de page. C'est vrai. On a un petit peu déjà fait le tour de trois trucs. On va parler un petit peu de l'appli, parce que c'est un peu la grosse nouveauté. Nouveauté quand même depuis quelques années, hein, l'appli. Non mais là. Bon, dis donc, tu te calmes. Les news du festival de là. Ah ouais, bien sûr. Tout de suite. On va pas commencer à parler du Easy Camp. Hein. Donc. Bon. Ah non, c'est vendredi. Alors, vous avez tous testé l'appli, hein ? Donc apparemment, Joe est un utilisateur. Grand fan. Grand fan parce qu'il l'utilise tous les jours à son travail pendant 7 heures. Donc. On va le savoir. Donc. Donc oui, hésite pas, vas-y. Hein. Vas-y, toi, parle-nous-en de l'appli. Fais pendant que nous, on se sert à boire. Non, appli bien pratique parce que là il y a vraiment tous les groupes en images. Et avec la musique. Voilà. C'est en images. C'est bien avec la musique. Et ça permet avec facilité d'aller taper un peu partout pour écouter quoi. C'est vrai. Toi tu les choisis comment les groupes au hasard au pif Non, au pif. J'y vais dans l'ordre. Voilà. Ah, tu les prends les uns dans l'ordre ? Je les prends dans l'ordre, j'écoute au maximum. C'est jamais dans l'ordre, en fait. Je veux tout écouter. Il y a des mises à jour, c'est vrai. Donc, à chaque fois, ça change. Ah, j'ai pas. Je suis un testeur de merde. Il y a des mises à jour, effectivement. Donc, à force d'écouter, je retiens ce que j'ai déjà écouté. Enfin, ou tu notes. Tu notes un peu. Oui, je note ce que j'aime bien, je retiens ce que j'ai déjà écouté que je n'ai pas aimé. Ah, ouais. Ça change à chaque fois. C'est vrai. Ouais, skin c'est pour les flemmards en fait. Ah non, c'est vachement bien. C'est et vachement moi bien. Je suis un gros feignant. C'est vrai. On l'est tous un peu. Mm, mm, mm. Tiens, tu vois. Ah ouais. Une flamme rentre ici. On m'a toujours dit sois feignant, tu vivras longtemps. Ah. Qui a dit ça? Dis donc. Coluche. Voilà. Moi je connais pas les gens qui font de la politique. Ah. On ne parle pas de politique ici. Jamais, musique. On parle de musique. C'était une chanson sois feignant, tu vivras longtemps. Il va aller jusqu'au bout de la référence. Ouais. Très bien, certes. Donc, pour toi, elle est très réussie, cette application. Ouais, je dirais ça. Après, je pense qu'on a discuté un petit peu. Il y a quelques problèmes avec Deezer. On a quelques problèmes avec Deezer, du coup je passe par Spotify. Il n'a pas de compte premium, donc lui c'est déjà plus litigieux si j'en parle. Mais c'est d'autant plus sympa parce que quand on n'a pas de compte premium, on a une lecture aléatoire. D'accord. Il y a une d'ailleurs, j'ai pas été voir sur Deezer, mais je suppose qu'évidemment il y en a une. Mais sur Spotify, il y a une playlist Hellfest 2017 qui est très très bien. L'année dernière, elle est. Je crois qu'il y a sur Deezer aussi. Hein. Sûrement, ouais, mais si je n'ai pas été voir, donc je n'ai pas envie de cracher sur Deezer du tout. Mais sur Spotify, je l'ai vu, et contrairement aux autres années, cette année, elle est vraiment bien. Elle est vraiment. Elle reprend beaucoup, beaucoup plus de groupes que l'année dernière. Il y avait genre les principales têtes d'affiche, et après, en dessous d'autres groupes, il a fallu que j'aille faire mes propres recherches moi-même, en fait. Donc cette année, elle est vraiment. Enfin, cette playlist, elle est vraiment bien. D'accord. T'as essayé un petit peu d'autres trucs dans l'application ou pas ? Eh ben non, c'est toi qui m'as fait découvrir le quiz. Oui. Que j'ai bien aimé parce que. C'est marrant. C'est marrant. Je trouve rien du tout. 512 quand même. 512 ? Ah ouais, putain. Moi, le quiz me montre à quel point je suis nul en métal. Ouais. Ah oui, bah je trouve rien. Voilà. À part les grosses têtes d'affiche ou les gros trucs connus, mais. En fait, le problème du métal, c'est ça. C'est t'as tellement l'impression d'être d'écouter quelque chose d'à part à cause des trois quarts des gens qui n'en écoutent pas, que tu te dis « Ah bah j'écoute vraiment des trucs que personne n'écoute ». Mais en fait, non, dans le métal, je dois écouter ce que tout le monde écoute de base. Donc je suis vraiment voilà. Je suis le mec mainstream par excellence. C'est pour quoi. Ça que moi j'ai choisi un truc, le stoner. Voilà, non mais... Bien sûr, je suis pas là. Oui, mais j'ai entendu une critique qui était assez intéressante d'un mec qui fait des vidéos YouTube qui disait que lui, il écoutait plus de stoner parce qu'aujourd'hui, tout est stoner. Tout devient oui, stoner. Oui, voilà, c'est facile, hein, ouais, une appellation. Ouais. Donc moi ouais, le quiz je suppose bah oui il doit y avoir il y a une s'il y a Radio Deezer je suppose qu'il y a une playlist Deezer même officielle donc elle est hop hop hop hop non tais-toi voilà un petit rancide voilà hein. c'est cadeau à cette heure-là ça gêne personne non. Il y a bien sûr donc le plan du festival mais excuse-moi, Bob, mais l'année dernière, il n'y avait pas un truc en réalité augmentée via ce plan. Peut-être qu'il y est cette année, mais je ne l'ai pas... Il y avait un truc en réalité. Ah oui, exact, ouais, que je n'ai jamais réussi moi non plus, à faire fonctionner non plus. Mais ça doit être mon côté geek. Ouais, et de ce que je sais aussi, prochainement, il y aura le moyen de recharger sa cashless, ce qu'il nous avait promis de l'année dernière. Via l'application. C'est une application à part ? Ah. Non, via l'application. Via l'application, enfin, voilà. C'est ce qui est laissé donc, la cashless. La cashless, en fait, c'est bah, comme il y a maintenant dans tous les festivals, c'est un moyen de paiement en fait que tu recharges en avant. Et là, c'est une carte de crédit. C'est parce qu'une fois que tu es dans le site même du Hellfest, tu peux payer qu'avec ça en fait. Tu peux retirer des sous pour recharger, enfin, tu peux recharger ta carte via des distributeurs et tout ça. Mais tout ce qui est bière, même merchandising, dans le site même du Hellfest, hein, pas au Metal Corner, là tu peux payer en argent et tout, mais dans le site même du Hellfest, tout ce qui est officiel Hellfest, et ben, en fait, boisson, nourriture, tu le payes avec la cashless. Voilà. Donc tu passes ton temps à la recharger en fait. C'est comme Scratchy, non. Voilà, tu payes en Itchy Scratchy. D'accord. Et oui, d'ailleurs, j'ai, pour info, en 2015. En 2015. En me levant le matin, j'ai trouvé une cashless. C'est vrai. Devant ma tante, créditée de 40 euros. 50. 50 euros. 50 euros. Donc, bah, si quelqu'un a perdu une cashless avec 50 euros crédité, elle a été utile. Elle a été utile. Et merci à toi. Accessoirement, comme en face de notre tante, il y avait des Belges. Fort sympathique, oui, presque. Oui, oui, presque. Ouais. Presque, parce qu'on a eu. Non, c'est pas s'ils sont belges. Hein. Non, pas du tout, belge, pas du tout. Non. Mais limite flippant. En fait, on va raconter à Joe. Personne, hein, en fait, il y a un soir où on est rentré et le mec était tout seul, ses potes l'avaient laissé ou je sais pas quoi. Enfin, il était tout seul. Et puis nous, on était là, on arrive devant notre tente et puis comme les tentes c'était proche, et ben on lui a proposé de boire un coup avec nous. Puis on a discuté, puis on déconnait, quoi, on faisait des blagues et puis on commence à lui dire qu'on est les Daft Punk. En fait, et qu'en fait, on n'aime pas la musique électronique et qu'on vient à un festival de métal, mais tu sais, mais pour déconner, on était en second degré total, quoi. Puis on était un peu fatigué aussi, quoi. Puis oui, on avait mangé des chips. Oui, c'est ça. Ça, on avait mangé des chips. En fait, je crois qu'il n'y avait pas. Et puis donc, on blague, et puis bon, on retourne au festoche voir Marilyn Manson. D'ailleurs, quelle erreur. Oui. Parce que c'était naze. Excuse-nous, Marilyn, mais si jamais tu écoutes. Fuck off. Ah, j'aurais pas tu été. T'es chié dessus. Voilà, tu t'es chié dessus, ouais. Shitty concert, voilà. Ouais. Non, c'était pas bien. Vraiment, je pense qu'à un moment donné, tu faisais des trucs chouettes, mais là, c'est fini. Il a chié une tortue en moi, je crois, sur scène. Et qui est parti en disant t'es fait de la merde. Ouais. très lentement. Donc, ouais, elle a eu le temps de se faire rattraper par Marilyn qui l'a déglingué. C'était Samy, je crois. Mais en fait, c'est super chiant de regarder un concert où le mec finit par nous insulter parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend, quoi. Il nous tournait le dos aussi. Voilà, donc c'est genre limite, il a arrêté en disant c'est bon, vous êtes des merdes, en gros, quoi. C'était, c'était pourri, quoi. Et on part ensemble, tout ça. Puis au bout d'un moment, le Belge nous fait bon, bah, c'est fini les blagues maintenant, vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule. Mais non, d'un parce coup. Parce que ça fait 2 heures que vous me prenez pour un con. Et puis, on se regarde avec Bob. Et on comprend pas, on dit bah qu'est-ce qui se passe, quoi. On pensait déconner avec lui. Voilà, on pensait déconner avec lui, mais en fait, lui, ça faisait 2 heures qu'il avait l'impression qu'on se foutait de sa gueule. En fait, il y avait un gros malaise, quoi, de sa part. Et lui, ça sentait pas bien. Et du coup, il s'est senti encore plus malaise quand tu m'as dit bah pas du tout, parce qu'en fait, nous, on passait un bon moment. Moi, j'essayais de tempérer un peu en discutant avec lui, j'ai pas du tout. Bob était en train de monter un peu en tension, parce que ça l'énervait direct. Et en fait, lui est parti. Il nous a laissé, il s'est échappé. Puis après, on a été au concert, on est retourné à la tente vers 2h du match, je sais plus. Mmh. Et il est venu nous reparler le soir en disant bah, on repart à zéro, machin et tout ça, mais il y avait quand même un. Voilà. On avait quand même ce petit flip pendant qu'on était parti, c'était en revenant de le voir danser autour de notre tente. Ouais, avec notre tente en feu. Parce que on avait vraiment. Non, on a sur le moment, on a, en fait, quand il a réagi comme ça, on a vraiment cru qu'on était face à un psychopathe, quoi. Pour info, je n'imitais pas l'accent belge. Non, mais en plus, à aucun moment on s'est moqué de lui et ça ne. Il nous disait des trucs, on essayait on blaguait, quoi. Je veux dire, quand on dit qu'on est les Daft Punk, je veux dire, c'était pas crédible, quoi. Bah, non, pas du tout. Mais finalement, tout finit bien, en fait. Bah, non, parce qu'il y a resté une. Bah, ça nous a laissé quand même. Ouais, mais il est reparti à zéro. Il a essayé, mais même le soir après. Il s'est totalement loupé. Hein, Non, je te jure, ça restait un peu bizarre, quoi. Ouais. Parce que bah déjà Bob était encore un peu tendu, donc il dit non, mais c'est bon, ça vient. À un moment donné, il nous sort un paquet de chips géant, puis on lui dit putain, on en a pas en France. Il dit ouais, vous foutez encore de ma gueule. Putain, non, on en a pas en France. Tu vois, c'est tout vraiment le truc énorme. Quoi. Vraiment, c'est un paquet XXL comme il y a pas en France. Et c'était pas grave. Et tu sais, donc. Le mec se sentait vraiment agressé à chaque fois qu'on lui parlait. Quoi, tu vois, puis des trucs à la con, il nous dit ouais, je joue de la basse. Ah, c'est cool, tu joues quoi? Non, c'est pas intéressant. Ouais, je suis nul. Ouais, mais je dis, c'est pas grave. Tu joues quoi? Je joue de batterie, je suis pas une bête en batterie. Ouais, surtout qu'il a pas de batterie, donc maintenant il peut plus en jouer. Je jouais de la batterie. Non, j'ai dit je joue. Oui, t'as dit. Ah, pardon, autant pour moi. Non, mais ça change rien, tu joues techniquement de la batterie. On te met une batterie, tu peux jouer avec, mais là t'en as pas. Peut-être, je ne sais plus. Voilà, tu ne sais plus. Je ne sais pas. Elle est pas là non plus cette année. Déception. Alors, cette appli. Qui n'est pas du tout fait par des Belges. J'en sais rien. Je n'en sais rien et je m'excuse d'avance. Ah, je m'excuse, les Belges. Tu dis ça en buvant du phénix. De qui est haute de ça. Voilà. Non. J'ai strictement rien contre les Belges. De toute manière, ils ont leur festival. Phoenix, qui est d'ailleurs l'air officiel du Hellfest. C'est vrai. Ah, ouais. Oui. Bah, ils ont plusieurs bières officielles, elles ne sont pas toutes bien. On avait une qui était pas bien. Et je crois qu'ils font la Hellfest au VNB à Agno. Ah bon? Ah, je crois. Je suis pas sûr. Alors, j'aimerais parler d'un truc, moi, par rapport au Hellfest. Avant de finir avec cette application, mais c'est pas grave, on diverge. Verge. voilà, c'est le genre de blague qui te fait rire. Super, Joe. Tu vas passer 3 jours fabuleux, laisse-moi te le dire. J'en doute pas. Est-ce qu'on arrivera cette année à aller au Leclerc, car jamais j'en ai entendu parler. Moi aussi, tous les ans on me dit faut y aller. C'est marrant parce que je l'ai fait 2010, 2011, 2012 et je crois qu'après plus jamais. Quand je suis arrivé en fait. Parce que peut-être que c'était trop loin, peut-être qu'on en a chié parce que pour s'installer quand même, il y a une année où ils ont eu la bonne idée de nous mettre une passerelle qui faisait la taille d'une montagne. Enfin, quand t'es un peu éméché, que tu viens d'arriver, que tu t'as envoyé 2-3 binus. Ah oui, parce qu'il y a des règles. Hein. T'arrives, tu bois un peu. Tu bois. T'arrives, tu bois un peu. T'es content. Tu te gares, tu bois un peu. Sur la route, tu bois. Potentiellement, tu casses des bières. Alors, j'ai entendu dire, moi, qu'il y avait des prêtres à l'entrée. Ah bon? On a entendu dire qu'il y avait des croix aussi. Si. Sur le terrain. Et des enfants. Des enfants aussi. Des prêtres qui nous incitent à ne pas rentrer. C'est vrai. Mais ils sont marrants. Mais ils sont super. En fait, ils sont adorables. Non, ils sont cool parce que ils savent qu'on est un petit peu en surnombre en même temps. Donc, mais ils sont courageux. C'est bien d'aller essayer de prêcher la bonne parole. Un cuissonné sur 6 et bénévole. Wellfest, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais. Question. C'est ça, oui, un cuissonné sur 6. Oui. Donc tu vois, comme quoi le Clisson a totalement accepté le métal. Mais, et donc du coup, c'est vrai que ça fait des années que j'entends parler sur Leclerc et on n'a jamais pu y aller par fainéantise pour le coup. On ira cette année. Faudrait qu'on arrive à arriver de bonne heure le jeudi pour y aller directement le jeudi. Non, pas du tout. Non, je pense que non. Leclerc qui n'a pas démarré en même temps que le Hellfest apparemment. Non, ils sont à se sentant dépassés par l'achat déjà d'alcool. Ah non, maintenant je pense qu'ils assurent. Oui, ah maintenant là, ils se sont. Ouais. Bah déjà, en plus, ils ont vraiment élargi leur catalogue parce que t'as vraiment toutes les bières. Ouais. Et puis ils sont redécorés aux couleurs Hellfest. Donc. Alors c'est marrant parce qu'on parlait d'ACDC tout à l'heure. C'est et vrai. On en parlait. On m'a dit que une fois, le Leclerc avait fait l'entrée avec de la fumée, et la musique d'ACDC. Ah bah oui. Ah mais attends. Ah mais c'est plus le côté rock'n'roll. Attends, tu attends. Ils viennent pas, mais tu peux en écouter. Comme Metallica, ah, tu as le droit d'en écouter, même là-bas. Même là-bas. Tu ne seras pas lynché parce que tu écoutes du Metallica. Non, pas de soucis, on est tolérant. Ah oui, non, puis. On aime tout le monde. C'est vrai. Ça, tu vois, c'est un truc. C'est à savoir. Madame Bou. Oui. Non, pas de politique, on a dit. Là, j'ai pas fini ma phrase. Joe m'a expliqué qu'un truc qu'il a entendu de la part de tout le monde, c'est à quel point il était facile de parler avec les gens au Hellfest. Voilà. Ça, c'est ce qui revient tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, même moi qui parle jamais aux gens et qui évite de préférence, je veux dire, même les gens qui viennent frapper à ma porte, je ne leur parle pas. Là-bas, je parle avec beaucoup de monde, c'est vrai. Mais comme on a pu le voir aussi il y a 2 ans, le moment où tu quittes le festival, et ça c'est un petit peu le truc un peu, je dirais, décevant, et c'est un truc que j'ai entendu à droite à gauche, et je n'ai pas envie d'en parler ce soir, on en parlera plutôt dans une prochaine, mais du moment où on a quitté le festival et on a recroisé des gens qui étaient au même festival que nous. Et genre, si tu leur faisais même un signe pour dire hey, c'était fini quoi pour eux. Toi, eux, c'était genre, moi, c'était mon week-end 3 jours, où là, t'es le meilleur ami du monde, tout ça, on est frères, on boit ensemble. Mmh. Tu passes, tu marches, les mecs trinquent avec toi parce que c'est bonne ambiance. C'est fini. C'est, voilà, ça, c'est un peu... C'est décevant. Bah, c'est un peu décevant, ouais, donc... Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais voilà, nous ça nous avait carrément marqué quoi. Ouais, ça nous a un peu refroidi. Parce que c'était. Moi, je pensais pas venir au Hellfest cette année, même pour ça. Je pensais même qu'ils allaient le déprogrammer moi cette année. Bah c'est pour ça, ouais. Oh, moi, tiens, si, je suis une aparté totalement. Avant de revenir sur l'appli, qu'était le sujet ? Est-ce que vous pensez un jour que ça serait possible de décaler le Hellfest ? Alors ça, je m'adresse directement à. Et de le faire au mois de janvier. Non, je m'adresse directement à toi, Ben, qui aussi a des enfants. Mais la fête des pères, ça fout la merde. Faut que tu comprennes ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon bah moi elle est passée très bien moi celle-là. Mais bah oui, toi tu t'en fous. Ça va encore toi. Moi ça craignait un peu cette année. Donc à un moment donné, faudrait juste la décaler même. Je sais pas, une plus semaine. Plus gosse, plus ça craint en plus. Voilà, donc faut. C'est un problème. La fête des pères, moi je m'en fous. Mais bon, nous je pense qu'on s'en fout. Ça compte pas pour nous. À la limite on s'amuse, c'est un peu notre cadeau. Sauf que les gens le voient pas comme ça. Disons que ça va me manquer quand un dessin tout pourri fait avec des nouilles collées mal, avec des couleurs pas assorties. Non, franchement, ça fait chier. Mais voilà. Bon, voilà, c'est un sacrifice que je fais. C'est beau un homme. Eh oui. Ah, je suis papa. Pas là. Je suis papa. Tu la vois, ma petite larme. Elle est là. Elle tombe au fond de cette bière déjà vide. Ah. Alors, l'application, donc. Faisons une petite quand même présentation qu'on a oublié de faire. Donc on peut retrouver tous les artistes avec une page dédiée à chaque artiste avec un petit résumé de la vie de chacun. Si on prend par exemple Linkin Park, on apprend qu'en l'an 2000, un tout jeune groupe originaire d'Agoura Hills, Californie, déboule sans vraiment prévenir avec son premier album aux accents nu metal sous le bras Hybrid Theory. Donc ça continue assez longtemps quand même, donc j'ai arrêté de lire. Mais sur chaque page d'artiste, donc t'as un lien YouTube, un lien Facebook, un lien Twitter et un extrait... Et les top titres écoutables de l'artiste sur Deezer, pour avoir testé, c'est 30 secondes par chanson. C'est vraiment pour découvrir rapidement. Ouais. Donc par la suite, il sera possible, d'après ce que j'ai cru comprendre, en plus de recharger sa cache-lèche comme on en a déjà parlé tout à l'heure, de préparer son running order. Donc c'est-à-dire que tu pourras... Ça, c'est top, ouais. Ça, il n'y avait pas ça les autres années ? Si. Non. Moi, ça vibrait dans ma poche, hein, 15 minutes avant le concert. Oui. Tu disais les groupes que tu allais voir, mais tu ne pouvais pas forcément... En disant les groupes que tu allais voir, tu faisais... Ah oui, si, ça devait revenir un peu au même, effectivement. Je voyais pas ça comme ça. Non, je voyais plus ça cette année. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau cette année, en fait, de pouvoir vraiment faire... En fait, en gros, tu aurais déjà tout ton programme de marquer d'un côté. C'est pas ça que j'avais, moi, l'année dernière. En fait, tu pouvais marquer tous les groupes que tu voulais voir. Ouais, comme là, tu vois, moi, j'ai marqué tous les groupes que j'avais envie de voir. Enfin, oui, mais c'est vrai, mais bah, pour moi, c'est pas ça, en fait. C'est que tu peux... C'est pas comme bah, ça en fait, que... Une fois que le running order est fait, chaque groupe qui passe, 15 minutes avant, t'as oui. Rock Dog, ça vibre. Ça, je suis d'accord avec toi. Dans 15 minutes, mais ça m'a sauvé plein de concerts, ça. Non, alors, ça, c'est très bien, c'est très cool, mais moi, je le voyais pas comme ça, en fait. Je pensais que c'était justement... À chaque fois, je les ai loupés, parce que je suis obligé d'y aller en rampant. J'ai perdu du temps. C'est vrai, parce que tu rampes très très mal. Ça, on oublie de le dire. Mais c'est pas évident de ramper dans la paille, quoi. C'est vrai. La paille clissonnaise, et en plus, elle pique, elle gratte comme une étiquette. Et je voyais pas ça comme ça, moi. Je pensais qu'on pouvait faire son running order dans le sens vraiment mettre genre. Alors je me suis peut-être totalement trompé, hein, mais j'imaginais un truc où tu peux mettre les groupes dans l'ordre pour que ça rentre et tout ça, quoi. Pour dire. Petites cases et tout. Non, mais que t'avais genre un truc par date avec les groupes qui passent et que tu pouvais organiser ça comme ça. Parce qu'en fait, si tu mets juste les groupes que tu veux voir, bah ton running order, tu peux potentiellement déjà le faire et t'as juste l'air d'un con, en fait. Enfin, c'est pas. Pour moi, je le voyais comme ça. Je me trompe totalement. Je trouve que le principe en lui-même est pas mal. Et top, il est top. Bah, ça, je crache pas sur le principe, je voyais ça autrement. Non, moi, je voyais je ça autrement. Que t'as un côté un peu médisant, que tout de suite. Mais est-ce que j'ai dit que c'était pas bien? Je dis c'est bien. Joe, t'en penses quoi, toi? Moi, je trouve ça bien. C'est la première fois que je m'organise pour un festoche. Oui, mais en même temps, c'est peut-être la première fois que tu vas y aller. Tu peux t'organiser à l'avance. Non, c'est pas ça. C'est mais que... tu feras jamais ce que t'as organisé, je veux dire. Ce... Oui. Oui, non, il y a des groupes mais que bien, tu... c'est bien de le croire. Ouais, c'est ouais. Bien. C'est bien d'être naïf. C'est bien. Merci de m'avoir plombé mon truc, là. Non, j'étais content. Non, mais je te jure, attends. Tous les ans, on prépare des trucs. Organisé. Voilà. Tous les ans, on prépare des trucs. Et franchement, il y a des groupes que j'ai... Mais je me suis jamais organisé de ma vie. Et pour une fois, je vais le faire. En fait, et ça sert à rien, apparemment. Il y a un truc qui est marrant, c'est que tu sais pas, mais c'est que ça compagne dans la vie. Et quelqu'un de ultra organisé. D'accord. Mais puissance 1 milliard. C'est pour ça, en fait, lui, il a l'habitude d'être. Il a qu'à suivre, en fait. D'accord. Tu vois, alors là, s'il et là, s'organise. Coup, c'est toi qui t'es organisé tout seul. Ouais. Comme un grand. Donc c'est ça. C'est moi que je l'ai fait. Non, mais tu pourras aller faire tout. On va pas niquer ton organisation. Voilà. Non, vas-y, fais ton truc. Je vais profiter de l'appli à 100%. Même sur place. Ouais. Ah, d'ailleurs, au passage. Ouais, non, ça n'a rien à voir. J'avais parlé d'un truc, mais c'est on pourra recharger les téléphones normalement. D'accord. Voilà. Oui, non, mais au truc où les gens seront. Donc, pour le running order, je pensais qu'en fait, pour moi, de ce que j'avais vu, en plus, c'était pas encore arrivé. Ça allait arriver. Mais bon, je me suis. Mais ça va bientôt arriver, non. Mais après. Bah, tu vas avoir peut-être. Le running order une fois. Bah, je sais pas si t'as vu. Bah, écoute, on pourra en reparler du coup. Le mais... programme à venir. Voilà, c'est marqué. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, t'as les notifications et les réglages mais et après, tout. Après, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des nouveaux trucs. C'est ce que... Non, mais c'est, voilà, c'est mon erreur, ce que j'avais compris. Donc, le quiz qui n'était pas là, par contre, les autres années, dans mon souvenir. Ouais, celui que j'arrive pas à ouvrir depuis 3 ou 4 jours. Ouais, et ben, il est quand même très très cool et vraiment ouais, montre. Carrément, quand tu peux l'ouvrir. Mais c'est très amusant, on pourrait jouer en soirée avec des amis si on avait des soirées. Voilà. Exactement. On a le jeu FS. Hein. Oui, on a. Alors. J'ai entendu des critiques comme quoi certaines réponses étaient pas fausses, mais. Pas vraies totalement. J'aurais dit erronées. Mais après, c'était plus sur la classification des groupes, et c'est pour ça que j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais, sur le fait de mettre des étiquettes. Ah, les étiquettes, oh là. Zizi. Donc bref, je la trouve très très bien cette application, je n'ai rien de spécial à en dire. Je lui mets un petit 7 bières sur 10. Toi Bob? Page d'accueil, bah il n'y a rien à dire. C'est la page d'accueil. Voilà. Elle est très bien la page d'accueil. Je lui mettrai un 8 sur 10 la page d'accueil. Ah, putain, il va noter tous les trucs. Le programme. Eh ben, je vais lui mettre un rien du tout parce qu'il est à venir. Artiste, c'est toujours aussi bien parce que du coup, tout est bien. Par ordre alphabétique. Comme tu le disais tout à l'heure, en plus, si tu redémarres l'appli, c'est aléatoire, donc t'as vraiment moyen de te faire plaisir dans tous les cas. Quoi. Le plan, quand tu connais le festival en lui-même, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Mais bon. Bon, c'est pour plus pour les néophytes. Ah, Joe. Voilà. Que tu peux peut-être éventuellement te faire une petite idée de comment c'est foutu. Pas du tout, je trouve. Bah si, non. T'arrives par là, regarde. T'arrives par là. Ouais. Après, je lui ai montré. T'arrives par là. Là, tu prends là. Tu vas là. Si tu, mais par contre, si tu prends là, t'es un peu emmerdé. Mais si tu vas là, c'est bon. Ouais, mais regarde, si par exemple tu prends là. Ouais, c'est bon. Ouais. Bah là, c'est bon. Ça te parle, toi, Joe? Si on, si, si on prend là. Si tu prends, t'arrives comme prends ça. Prends là. Non, pas là. Pas là, l'autre là. Là, comme ça, t'arrives là. Et là, tu fais. Ah, ouais, quand même. D'accord. Dis donc. Oh. Ouais. Non, mais en fait, moi, je trouve qu'on se rend pas compte. Ouais, la grande roue. Oui, on en parle. On l'a fait une fois. Ça nous a coûté cher. Et honnêtement, autant c'est cool. Autant c'est cool de voir tout le festoche de haut. Bien ton âme. Oh là là, fatigant tout ça. Et autant par contre, payer si cher pour en plus profiter d'hommes qui urinent, ça n'apporte que peu de choses. Voilà. Oui, derrière. Derrière, ouais. Mais devant, il y avait Cavalera Conspiracy, je crois. Si je ne me trompe pas. Et on chantait des petites reprises de Sepultura dans la petite nacelle. Ah si, rappelle-t'en. Non, je me rappelle de Cavalera Conspiracy qui était une totale arnaque. Bah, c'était Sepultura en fait. Oui, c'était Sepultura. Non, mais c'est pour ça que c'était une arnaque en fait, parce qu'ils ont quand même deux albums à défendre, au moins, peut-être trois même, je sais plus, enfin, au moins deux sûrs. Mais ouais, c'était décevant quand même, quoi. Tu venais pour voir un groupe. Referont-ils la Tyrolienne cette année? Ça, on l'a pas fait la Tyrolienne. Je la ferai pas parce que t'es obligé de la faire à poil. Et ça, enfin, j'ai pas envie de montrer ma tête à tout le monde. Carl, c'est quelque chose de. Je suis un grand buveur de bière. Il va pisser et sur tout le monde. Et que ma vessie est toute petite. C'est vrai qu'il a des problèmes de vessie. Ça, j'ai partagé une tente avec lui une fois et je n'ai pas dit. Donc moi, la radio, je ne sais pas. Le quiz, je ne sais pas. Crédit info. Je ne peux pas. Crédit info. Et je reste planté là. Oh. Les lois ne font plus les. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mec va dire, c'est bon, arrête avec ta liane folie. Et oui. Et oui, quelle erreur de goût. Moi, après, les infos générales, l'édito, par exemple, je le trouve très bien fait. Donc, attends, expliquons quand même à Joe. En fait, t'as une tyrolienne qui part de, qui traverse les deux main stages. Donc, tu montes en hauteur et tu traverses en l'air sur une tyrolienne. Alors, c'est cher, hein, forcément. Il faut boire beaucoup de Red Bull, je crois, hein, si je ne me trompe pas, parce que c'est en achetant un certain nombre de canettes Red Bull. Que tu as des réductions ou... Non, tu grattes un petit bordel, et si tu as une tyrolienne, tu gagnes un tour. Ouais, bah tu gagnes, mais sinon tu peux le payer, le tour de tyrolienne, je crois. Non, tu veux pas. Non, c'est que avec l'achat de canettes. Ah bah j'avais oublié, tu vois. Cette boisson énergisante à base de taurine. D'accord. Qui est très donc efficace. Donc je ne ferai pas de tyrolienne. Bah tu sais pas, t'en bois jamais avec dans la cette non. Boisson à base de plantes qui vient d'Allemagne. J'ai arrêté. J'ai arrêté le Red Bull Jägermeister. Ah bah voilà, et voilà, il balance tous les bars. Mais c'est pas possible. Tu sais qu'on fait gaffe. On va payer, mon pote. Tu sais que ça va me retomber dessus parce que c'est qui va héberger ça encore. C'est moi. C'est qui, ça va être le nom de moi. Et quand ils vont venir chercher Jack, et bah moi je dirais qu'il habite pas là. Hein. Donc, Joe qui habite pas loin. Voilà, Joe, combien tu lui mets toi en canette de bière? Bah moi tout nouveau, tout beau, donc j'ai envie de bien le noter. Du coup je verrai bien l'année prochaine, je le noterai peut-être moins bien parce qu'il y aura peut-être des choses que j'attendais qui seront pas là. Bah techniquement il n'y a pas de grosse nouveauté hein, par rapport à l'année dernière. Non. Mais elle est toujours efficace. Ouais pour l'instant. Quand t'as le côté distrayant, quoi. Le quiz. Non, la radio elle y est, j'en suis sûr. Le quiz, je sais pas. Ouais, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à ceux que ça intéresse de laisser en commentaire à quel point on est nul en info sur les groupes. Et moi, sur je mettrais 8 sur 10 parce que 10 heures, ça ne marche pas. Ah ouais, moi c'est aussi un peu pour ça. Bah, c'est ça, moi, mon gros problème en fait, c'est que je ne sais pas si c'est à cause de 10 heures, si c'est il faut créer un compte, que j'ai un compte, mais ça fait des années que je ne l'ai pas ouvert. Je suis un acheteur de musique. Hein. C'est vrai, il achète beaucoup de CD. Ouais. Contrairement à moi qui. Je suis pas. Peut-être plus de 400 albums, je crois. C'est vrai. Sans compter les vinyles. Sache que Joe est un grand fan de musique et qu'il les achète en vinyle. D'accord. Voilà. Ouais. Eh ben. Après avoir acheté beaucoup d'albums, je me suis remis au vinyle. Ouais. Respect. Bah, le son vinyle maintenant est moins. J'aime le côté craquant du vinyle. Donc les vieux albums ouais, sont cool, comme les vieux Jethro Tull, les vieux Motorhead. Exactement, il y a certains Motorhead. Motorhead, un exemplaire que j'ai pu choper juste avant sa mort, qui a été tiré à 1500 exemplaires dans le monde, son dernier album. Ouais. Et je l'ai chopé à Discardeil. D'accord. Événement de tous les disquaires indépendants. Ok. Oui, car il fait les disques RD. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'appli. Alors moi, je serais bienvenu pour finir sur un. Ah, D'accord, Bob s'en va. Très bien. Alors, j'avais pas fini, mais Bob s'en va. Non, mais parce qu'en plus, c'est con, j'allais dire. J'allais parler de nos expériences sur le fest, et puis bah, si tu t'en vas, et bon, bah, Joe, moi... vas-y. Bon, ouais, j'ai le tourné autrement. Toi, qu'est-ce que tu attends de ce festival? Si tu attends quelque chose, hein, t'es pas obligé d'attendre forcément quelque chose, mais est-ce que tu attends. Voilà, est-ce que tu attends quelque chose de particulier ou pas? Ouais, ça. J'attends en fait tout ce qu'on m'a dit sur le Hellfest. J'ai vraiment envie de le voir en direct. Je veux pas être déçu de qu'on m'ait dit des choses, si tu veux, que je vois qui soient fausses. Ouais, mais après, c'est vrai que des fois, tu peux ne pas rentrer dedans. Tout à fait. Et comme le disait Bob c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. C'est lui. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que je trouve vraiment agréable, alors, ça marche aussi avec d'autres festivals, mais c'est vraiment principalement au Hellfest que j'ai ressenti ça, c'est que tu déconnectes complètement. Voilà, c'est ça. Et en plus, comme tu perds un peu... Moi, en plus, j'avais des problèmes de réseau tous les ans, donc souvent, le premier jour, j'avais déjà plus de... Voilà, j'avais plus de téléphone. Et en fait, tu déconnectes vraiment, tu deviens dans un espèce de microcosmos, qui est quand même assez grand. Donc t'as que des gens qui sont là pour passer un bon moment et vraiment s'éclater, et bah t'es prêt à faire plein de rencontres avec des gens qui sont cool, et que en fait, contrairement à d'autres concerts ou des festivals où tu croises toujours énormément de mecs bourrés, moi mon expérience du Hellfest c'est que j'ai toujours rencontré que des mecs cool, même méga bourrés, même à moitié morts, que les mecs là-bas qui te servent à boire, à manger, ont le sourire, ont la banane alors qu'ils travaillent toute la putain de journée. Les mecs sont contents de te servir. Tu te souviens, il y a 2 ans, Bob, on était arrivé, on s'était gardé pour le dimanche, parce qu'il y a, tu vois, il y a une allée de bouffe. C'est-à-dire, c'est l'allée où chaque fois que tu passes, tu fais, oh, ça sent trop bon, mais t'as envie de t'arrêter partout, quoi. T'as des bouffes de tous les pays, t'as de tout. C'est hallucinant. Et on s'était gardé un truc d'un sandwich au. Même pour les véganes. On s'était gardé le sandwich, je sais plus. Oh quoi. Putain. Et on est arrivé. Le canard. Non. Oui, un petit magret. On s'est gardé un petit magret pour le dimanche. Non, parce que je l'ai fait, moi. Le gros sandwich dans le festival au canard. Non, c'était pas au canard, je sais plus ce que c'était. C'était. Non, on a bouffé un canard vivant, par contre. Hein. Ah, d'accord. Le soir. Tu te rappelles pas? Ah, t'étais trop bourré, toi, je crois. Pff, j'étais fatigué. On a sacrifié une vierge. Ah oui, non, oui. Ah, je me souviens de la vierge. On a partagé. Elle avait un bon goût. Ouais, c'est vrai. Et donc, on est arrivé, le mec avait la banane, il nous souriait, ça va les gars, vous passez un bon festoche et tout. Puis il a vu qu'on avait des bouteilles d'eau. Bon, ça va. Et en vrai, quand il fait 25 degrés, ça sert à rien de boire des bières. Hein. Donc on économisait pour boire plus quand il faisait frais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'est fait juger pour tous les achats de bouteilles d'eau? Parce qu'en fait, quand il faisait vraiment trop chaud, on prenait de l'eau. Et t'avais une fille qui était à côté de nous qui avait deux bières pour elle toute seule. Et, tu sais, genre, elle nous regardait, mais on avait la peste, quoi. Mais ça, il fait chaud, en fait. Donc ça sert à rien, on boit de l'eau et après on va prendre de l'alcool. On fout de l'argent en l'air, quoi. Et le mec était là, tu sais, il avait la banane pour nous servir. Il dit, hey gars, vous me cachez l'eau, hein. Moi je vous sers pas si vous avez de la flotte. On a dû cacher nos putains de bouteilles pour qu'ils nous servent un sandwich. Et les mecs ont la banane toute la journée, quoi. Et ça, c'était un truc de dingue. C'est vraiment, moi, mon expérience du Hellfest, elle est là, c'est j'ai jamais été dans un endroit où les mecs sont aussi tous contents d'être là. Ah, c'est vraiment, que ça soit même les mecs de la sécu, ils sont cool, tout le monde est cool, et ben voilà, quoi, c'est vraiment... c'est pas qu'une expérience musicale, parce que tu peux... Il y a toi qui me disais ça, qu'il y avait quand même des gens qui restaient au camping, juste qui n'allaient pas tant voir de concert que ça, et ouais, qui profitaient. Et chacun a sa propre expérience du Hellfest. Et donc, c'est... toi, tu veux vérifier tout ce que tu as entendu. Et c'est hyper cool. Et donc là, je me tourne vers Bob, qui va nous dire son expérience à lui. Oula, mon expérience du Hellfest est assez c'est longue. Hein, parce que du coup, j'ai fait pas mal de festoches, quand même. Enfin, de Hellfest. D'édition. Hein. D'édition, c'est le mot que je cherchais. Merci, Joe. C'est fou qu'on ait autant de mal à retenir nos prénoms, ouais, parce qu'on les connaît pourtant. C'est bizarre, on se connaît. j'ai repris vraiment le Hellfest en 2010, donc j'ai fait l'édition 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, et le Fury Fest 2004. Donc après, voilà, je pense que ça situe à peu près, donc je pense avoir une assez bonne expérience. C'est un petit peu notre père Fouras du Hellfest. Voilà. Et j'ai fait les deux... dernières années sur l'ancien site avant que le lycée se construise. C'est vrai, c'est vrai. qui était un excellent site, hein, franchement, enfin, pour ma part. Il est 2012 était à chier sur le nouveau site, mais en même temps, c'est normal parce que. Enfin, à chier. Pas dans sa totalité, bien sûr, mais forcément, ils arrivaient sur un nouveau site, il fallait un temps d'adapter tout ça. Maintenant, ils ont fait un truc aux petits oignons. Je crois qu'on est sur un pas un quasi total confort, mais oh, ouais, il manque que les transats, quoi, hein, c'est limite ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils nous ont fait un truc vraiment, on est dans un cocon, hein. Bah, on est choyé. C'est un festival fait par des femmes pour des fans. Hein. Ouais. Merci Ben et merci. Ah, j'ai pas les noms, moi. J'ai pas les noms. C'est pas Elfest. Merci les gars. La première, c'est Ben Elfest. Et puis. Voilà, les... c'est ça, c'est son nom de famille. C'est ça. Ben Elfest. C'est Elfest, son nom de famille. Benjamin Elfest. Voilà. Et ouais, non, franchement, et moi, puis, j'ai alors... que de très bonnes expériences, aussi bien sur, les sites, sur le site en lui-même que sur le camping. Je te couperai juste, moi qui ai eu la chance, mais en fait, c'est con. Je l'ai reçu en cadeau, le livre du Elfest. Franchement, quand tu dis c'est un festival pour les fans, franchement, vu tout ce qu'ils ont eu comme galère, ouais. C'est-à-dire, c'est il en a chié. Ouais. Ah ouais, il en a chié sur les stades de foot, je crois. Non, mais même après, derrière, quoi, ils ont perdu tout. Ils ont quand même eu un faux mec et un investisseur qui m'a piqué toute la caisse et tout. Donc à chaque fois, en fait, ils sont repartis de zéro. Bah, c'est des fans à la base. Et qui n'ont jamais abandonné. Donc c'est vraiment non. C'est... Et j'ai vu que les locaux avaient brûlé aussi. Ils ont brûlé et ils ont été cambriolés récemment. Et ils ont fait un t-shirt avec l'effigie des locaux brûlés. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est stylé, ça. Ça, exact. C'est du. Et en plus, c'est une petite référence à Metallica, je crois. Fat Fire, oui. Ah, Fat Fire. On parle pas de Metallica, non, c'est un. C'est comme. ACDC. Voilà. Comme dirait Aldebert, qu'on peut en parler. Mais arrête de taper sur cette table. Déjà, Edune, parce qu'elle t'a rien fait. Aldebert, je l'ai rencontré d'ailleurs. Au Hellfest. Voilà. L'année dernière. C'est ça. Pendant que moi, j'avais plus de. Portable et que j'essayais de recharger, voilà. Et que ma vie était et de la merde. Je n'ai même pas fait de selfie parce que je suis pas un mec du selfie. Quoi. C'est vrai, tu es un peu un mec du respect de totalement, la personne. Ouais. Alors vrai. Je dois dire merci Aldebert hein, pour ce moment magique qui a duré 45 secondes. Bah, moi. Ouais, t'es bien qui que je crois. Oui. Bah, tu crois que je suis qui? Aldebert? Ouais, c'est ça. Ouais, cool, mes enfants sont fans de toi, je suis fan de toi. Salut! Non, ça n'a pas été plus loin que ça. Ouais. Bah, c'est déjà mieux que mon expérience à moi qui a été de le voir en festival une semaine ou deux après où j'avais la chance de faire des photos et il était en train de faire une blague à la fin du concert où il disait c'est marrant, je suis en train de prendre en photo un public et un photographe qui même lui prend en photo et du coup la photo en question il l'a jamais postée donc je crois en fait qu'il essayait de me dire de me dégager et je suis resté en place donc non ça veut dire que moi j'ai eu un enfoiré d'avoir gâché sa photo. C'est ça que je veux dire en fait. Ah ouais, donc voilà. Ça veut dire que t'es un enfant. Hein. Ben, je pense qu'il m'en veut. Voilà, c'est pour ça qu'il aurait pas posté la photo. Bah, je. Non, mais je pense qu'il. Et tu crois que là, les gens, ça. Je pense que les gens méritent de savoir. Tu vois, c'est les pas. Les gens ont envie de savoir. Les gens méritent de savoir. Besoin, c'est un podcast confession. Je peux tout à fait avouer mes fautes. Ouais. Écoute, Guillaume, Aldebert, je suis désolé. Ah, je m'excuse d'avoir. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse, mec. Et donc, au niveau de nos expériences et non-expériences communes, je pense qu'on pourra donc effectivement forcément faire au moins un numéro après le festival pour revenir dessus. Mais en attendant, je pense qu'on pourra aussi faire d'autres numéros. Avec joie. Parce qu'il y aura d'autres choses à dire. En l'occurrence, je pense que la prochaine news va... Enfin, moi qui m'intéresse, c'est qu'ils vont sortir le prochain numéro de Hard Rock ou Hard Force, je ne sais jamais le nom du magazine, avec le bootleg... Du festival qui je trouve qui tous les ans est plutôt réussi. C'est Rockard, non, c'est pas ça. Ah, putain, ouais, c'est le mot. Bon bah les autres vous êtes de la merde, c'est Rockard que j'aime bien et que j'achète tous les mois. Et si c'est vrai, hein, j'ai tous les numéros, le dernier c'était Steel Panther. Oh ouais, exact. Et donc on pourra déjà parler de ça et il y aura d'autres choses au niveau du festival dont on pourra parler. Mais je pense que pour un premier on a fait un peu le tour. Hein. Sauf si vous avez d'autres choses à ajouter. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Moi je voulais parler des salamandres parce que je prépare une collection de salamandres d'hiver et d'automne. Mmh, et bête rare. Oui, bête rare, tout à fait. Du coup, il y a très très peu de modèles d'hiver. J'ai réacheté toute la discographie de Gilbert Montagnier. Après. Et tu serais peut-être surpris, il y en a peut-être beaucoup. Hein. Bah, c'est ça le problème. Bah, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, est-ce que c'est ce genre de moment où, comme on ne sait pas finir, on va faire de la merde? Bon, bah, je propose qu'on arrête là. Bon, bah, moi, j'ai adoré le truc. Ça, c'est super. C'est passé assez vite. Ça fait déjà 1h24 qu'on enregistre. Ah, ouais. Donc, on a un peu fait le tour de ce qu'on avait. Pousse à 1h30. On peut 1h30, allez. Et on s'arrête vraiment à 1h30. Ok, d'accord, donc faut meubler pendant 6 minutes. Pendant 6 minutes. D'accord. Bah, écoute, je vais reprendre une bière, moi déjà. Vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, il doit en rester. Il en reste deux, finissez les gars, allez-y. Hein. Ça me fait plaisir, et c'est pour moi. Ouais, bah, oh, sinon, je peux passer un petit bonjour au Stéphane, moi, que j'ai rencontré en 2010. S'ils écoutent, ils sont toujours aussi fans du Hellfest, parce que c'était des grands, grands malades du Hellfest. C'est vrai? Ouais. Ah. Et une bande de Stéphanois avec un petit rugbyman tout barbu. Je devais lui envoyer des photos que je n'ai jamais fait. C'est vrai. Comme à un certain couple et à un autre couple que j'ai pris en photo, que je devais envoyer des photos que je n'ai jamais. Parce que j'ai perdu leurs adresses en fait. Ouais, c'est ça qui est marrant. Moi, je viens faire des photos comme ça pour le mec cool. Lui, il s'en fout, mais on lui demande tout le temps de prendre des gens en photo. Donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu grisant. Oui, voilà. Ah. Ouais. Surtout quand ils ont reçu leurs photos. Oui, voilà, c'est ça. Mais j'espère les re-rencontrer. Et puis, Du coup, tant que vous êtes là, et qu'il nous reste moins de 5 minutes, qu'est-ce que vous aimeriez aborder comme sujet dans les prochains numéros? Pas les toilettes, parce que c'est réglé. D'accord. Les toilettes? Non, pas les toilettes. Ah, pas les toilettes, non. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder En général, on cherche toujours à aborder les défauts. Il faudrait essayer de voir plutôt les vraies qualités. Bah, on a quand même pas mal dit de bonnes choses sur le festival à la fin. Je pense, ouais. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils s'améliorent, hein, vraiment. Ils ont fait de gros efforts. Il y a un truc, un sujet auquel j'aimerais parler avec vous. Donc, toi, tu vas, en tant que néophyte, tu ne pourras pas du tout en parler. Mais j'ai entendu beaucoup de critiques sur le changement ces dernières années du public du Hellfest, qui n'est... Ah. Voilà, donc ça, on pourra en parler. Ça, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là qui me chagrine un peu. Eh ben, c'est-à-dire qu'on reproche beaucoup au festival aujourd'hui d'être devenu tellement grand et populaire qu'il y a de moins en moins de vrais métalleux et plus de petits mecs branlos qui viennent faire les kékés au festival. Alors que, des popos curieux. Voilà, des mecs qui sont pas, alors sans forcément, sans forcément faire le festival élitiste par excellence, parce que ça n'a pas de sens selon moi, mais des mecs déjà beaucoup moins respectueux du style. Il y a un code métal, et le code métal, c'est le respect avant tout. Voilà. Ces gens-là n'ont pas, malheureusement. Voilà. Et je dis ça, Je le pense. Totalement. Donc on pourra. Pour ça que j'ai arrêté de faire des festivals. Voilà. Le mec dit qu'est-ce qu'on va parler de la prochaine fois et lui se lâche. Exactement comme ça. Voilà, très bien. Les gars, c'est pour le prochain, c'est pas pour celui-là. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Très, très bien. Allez, il y a un autre truc que je voulais faire. Oh merde, il reste 3 minutes, c'est parfait. J'avais une idée super cool dans ma tête. Non, mais c'est bien, vas-y, ça remet du. Ouais, non. Alors à la base, je voulais faire ça sous forme de tirage au sort, donc je vais le faire, mais d'une manière un peu différente. Des passes à gagner. Non. Je vais faire 1h30, on va faire 2h. Non. Il fallait écouter jusqu'au bout. On va dépasser l'heure 30, c'est sûr. Je vais tirer au sort 3 groupes chacun qu'on va devoir écouter. Donc toi, Jo, tu t'en fous apparemment. Quoi? Mais t'écoutes tout. C'est pour ça que je dis ça. Comme t'écoutes tout, tu t'en fous. Mais en fait, l'idée, c'est. Moi, je suis un. Ça va être de faire après un retour dans le prochain numéro de ces 3 groupes en disant ce qu'on a aimé de ces groupes-là ou pas. Sachant qu'on peut tomber sur des vrais trucs qu'on n'aime pas du tout. Machin. Mais il faut écouter. Voilà, donc, pas le choix. Sachant que toi, Bob et moi, Jack, parce que les gens vont avoir oublié mon vrai nom. C'est Jack, moi c'est Bob. Voilà, donc sachant que toi et moi c'est Joe. On a apparemment tendance à aller moins facilement vers des trucs qu'on ne connaît pas que lui. Ouais, c'est ça. Donc, parce que nous, on est ancré dans nos racines. Boum, hein. Donc, du coup, je pense que cette idée de tirer au sort, ça va être sympa. Donc, tu vas te retrouver avec 3 groupes. Toi aussi, 3 groupes. Et moi aussi, 3 groupes. Donc, je vais tirer au sort. Quoi? Je peux le faire. Je n'en doute pas. Ouais. Je tire au sort. Pour qui? Pour toi, parce que je te regarde. Est-ce que je dois aller sous la table? Oh, tu vas écouter Alceste. Alceste. Attends, je vais le marquer. Ouais, bah, c'est français. Alors, Bob, il va écouter Alceste. Voilà, Alceste. Ok. Est-ce que je passe à Joe ou on fait un deuxième directement pour toi? Ouais, bah, mets les trois directement pour d'accord. Moi. Baronesse. Je connais un peu. Ah, d'accord. Écoute, j'y peux rien. J'aime bien. Super. Tu mettras le petit effet roulette la prochaine fois. Ah, mais j'essaierai de trouver des. Il faut des DJs. Je vais trouver des DJs. Et Crippled Black Phoenix. Je connais pas. Voilà pour toi. On est à 1h29. On est bien, comme on dit dans le milieu des gens qui disent on est bien. On est bien. Voilà, alors maintenant pour Joe. Qui va se faire un plaisir de l'écouter au boulot. Il va écouter déjà demain, il va me renvoyer un résumé demain soir. Allez, je type au hasard. Bright Curse. Voilà, ça va te faire les pieds. Bon, mange ta. Il est pas dans ma liste, gueule, donc c'est bon. Le mec est content, quoi. Tu pourras pas voir tous les concerts. Hein. Faut que t'en sois conscient dès maintenant. Bruit de roulette. In Flame. Oh tu connais? Ça me parle, ouais. Tu connais Bah oui. Bon, bah voilà. T'es tombé sur moi, je suis arrivé. Non, tu ouais. Oh, salaud. Oh non, il se tape Deep Purple. Bon, bah on va s'en mettre dedans. Ah, c'est le jeu, c'est le jeu. Moi, je... Bon, et moi, qu'est-ce que je vais me taper? Alors... Autopsie. Ah, ça, va. Ça d'accord. Je pense que c'est un ah, ça, c'est... Ah. Ça, c'est moi, en plus. C'est tout à fait ce que j'écoute, moi. Ouais. Moi, je suis fan d'autopsie, du milieu médical, tout ouais, ça. Sûr. C'est ma life. Les experts. Stop, calme-toi. Calme-toi, la vie. Calme-toi. Ah, j'arrive pas à couper. Coupe le son, mais t'es marrant, toi. C'est trop simple. Ah, j'ai tout fait planter. D'accord, ok. Donc j'en ai déjà. Attention. Integrity. J'ai beaucoup de chance. Hein. Donc bien sûr, faut pas faire la blague d'écouter 30 secondes et d'arrêter. Hein. Faudra écouter au moins l'équivalent. On va faire au moins un avis quand même. Voilà. Minimum. Histoire de pouvoir permettre de faire un retour. Et je. Oh, pff, je sais même pas comment ça se prononce. Dodemsgaard. Ah, Dodemsgaard, si je connais. Ah. D'accord, bah, je ne connais pas. Tu vas être surpris. Plus que autopsie Je pense, ouais. D'accord. Ouais, je pense. Do Demsgaard. Voilà. Eh ben écoutez, ça fait 1h31 qu'on enregistre. On a nos 9 groupes à écouter respectivement. Bon, bien sûr, hein, y a pas de... on peut en écouter d'autres, hein, Joe. T'as le droit ouais, d'écouter bah, d'autres. Bon, hein bon, toi... on se revoit dans un mois. Bon, alors, y a encore aucune formule d'arrêter pour ce podcast. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il reviendra pas? Est-ce qu'il reviendra bientôt? Est-ce qu'il reviendra longtemps? Voilà, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Également. Donc Bob apparemment il préfère se faire arrêter que de dire s'il a passé un bon moment. Et ça. Non, j'ai passé un très bon moment. Hein. Eh bien c'est parfait, très non, bien. C'était ça. Eh bien écoutez, au revoir. Plus, donc, et puis voilà, et eh bien j'avais bien compté. Exact. Bonne soirée à tous. Zach, à bientôt. Ciao. Et au revoir.